Bonjour et bienvenue à cet enregistrement à trois. Donc, il y en avait sans doute plusieurs qui avaient envie là, de nous revoir faire une émission. Eh bien, c'est l'occasion. On en avait fait une il y a plusieurs mois. Donc, ici, David qui vous parle en audio. Et vous pouvez voir à l'écran Berthold et également Mona. Donc, vous allez bien? Oui. Excellent. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet enregistrement qui est fait maintenant en date du 9 novembre de l'année 2023. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est celui, en fait, du dévoilement de l'instruction supramentale qui se fait au fil du temps. Puis, ce sera sans doute aussi l'occasion aujourd'hui d'aborder d'autres thématiques par la suite, là, selon l'inspiration du moment. Et donc, en ce début d'enregistrement, c'est le sujet que je vais aborder avec vous. En fait, c'est que lors de cette année 2023, je constate que jusqu'à présent, on n'a pas un rendez-vous avec le phénomène extraterrestre, comme l'aimeraient sans doute certains, mais plutôt avec un dévoilement en relation avec l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal, qui a été conférencier et écrivain pendant de nombreuses années. Lors de l'année 2023, il a été rendu disponible plus d'une centaine d'heures d'enregistrement de mini-rencontres qu'il avait réalisées. Elles ont été faites, mini-rencontre lors de l'année 1981 à 1983, et ça, c'était à un public restreint. En fait, c'est un total de 76 conférences qui durent en général entre 2 heures et 5 heures. On dit mini-rencontre, mais c'est des rencontres qui duraient quand même assez longtemps. Donc, si vous voulez écouter ces enregistrements et prendre connaissance de ce matériel, eh bien, en bas de l'audio présent, vous allez avoir des liens web s'y rapportant sur lesquels vous pouvez cliquer pour en prendre connaissance par vous-même. Et la particularité de ces enregistrements, c'est qu'ils sortent tous en bloc présentement, alors que ça fait longtemps qu'ils ont été produits. Et c'est sûr que par rapport à ça, moi, je suis quelqu'un qui est né en 1981. Et ça fait drôle de savoir aujourd'hui que des enregistrements de Bernard de Montréal qui ont été faits au moment de mes premières années de vie sont rendus publics, comme si Bernard de Montréal voulait s'adresser à une autre génération d'auditeurs que celle du temps où ils ont été produits. Donc, quand Bernard de Montréal disait qu'il parlait pour l'avenir, j'ai l'impression que ce n'est pas étranger à cette situation. Donc, la question se pose, à savoir pourquoi, selon vous, ces enregistrements qui ont été faits il y a près de 40 ans sont rendus publics à présent, soit près de 20 ans après sa mort en 2003. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un agenda occulte, d'un dévoilement progressif en plusieurs phases, de contenu à caractère vibratoire sur différentes décennies? Qui ont été retenus jusqu'à présent. Donc, c'est en relation avec ça, que ce type de questionnement, qu'on va pouvoir commencer cet enregistrement. Mais juste avant, je voulais procéder, bien entendu, à quelques annonces. Tout d'abord, Mona est toujours enseignante là, par rapport à du yoga et également là, des cours de pilates à caractère thérapeutique. Donc, Mona, tu donnes toujours tes cours là, à la fois en présentiel et également là, en ligne. Tout à fait. On pourrait dire yoga mona, hein, parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants de yoga. Puis je veux préciser que ce que j'enseigne, ça n'a rien à voir avec le yoga d'il y a 5000 ans. J'ai upgradé la disquette un petit peu. Yoga et pilates combinés aussi, je fais de la fusion. Alors ça dépend vraiment. C'est une approche très personnalisée, puis que j'ai développée à travers les 30 dernières années. Excellent. Et comme c'est bon en présentiel, c'est toujours à Montréal. Oui, je suis encore à Montréal pour 1 an. C'est terminé, je déménage bientôt. OK. Mais je vais quitter ce domaine-là aussi. C'est ma dernière année. Donc, avis aux intéressés qui nous écoutent. Donc, si vous voulez bénéficier de ces cours, c'est l'occasion de le faire, là, donc dans les prochains mois. Et pour les gens qui ont envie, c'est sûr, de suivre les cours en présentiel. Donc, comme on le mentionne, c'est à Montréal. Mais quand même, vu que tu donnes des cours en ligne, les gens qui peuvent nous écouter de différents endroits dans le monde, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse ou également dans des pays francophones de l'Afrique comme le Cameroun, eh bien, c'est possible de le faire. Oui, j'ai déjà des clients, Brésil, l'île Maurice, Martinique. Il n'y a pas de problème, en autant qu'il y a une ligne Internet. Exactement. Et les gens peuvent s'inscrire en tout temps à tes cours. En principe, en tout temps, mais dépendamment de la condition physique et de la connaissance des gens, de leur corps, un petit peu. Parfait. Donc, c'est ça, je vais mettre les coordonnées là, par rapport à toi là, en bas de l'enregistrement présent. Et est-ce que tu donnes toujours de la consultation en coaching d'individuation? Moi, l'instruction soin mentale. Oui, de plus en plus d'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes. J'en prends pas autant que le monde me demande. C'est pas quelque chose que je voulais faire, mais c'est quelque chose qu'on m'amène à faire. OK, mais quand même, t'aimes ça. Ouf, la Oh! question, moi j'aime pas, ça fait longtemps que c'est éliminé, là. C'est pas une question d'aimer ou pas, il faut que je le vive, puis il faut que je sois bien. Mais aimer, comme en passant, là, ce que j'enseigne aujourd'hui, j'ai jamais planifié ça d'enseigner le yoga et le pilates dans ma vie, là. Ça s'est installé dans ma vie. C'est pas pareil. Donc, je sais pas que j'aime pas, c'est que je me laisse guider, puis il faut que je sois bien. Mais je suis bien dans ce que je fais comme instruction supramentale. C'est de l'accompagnement principalement de quelques temps, puis ensuite, c'est moi qui ai flush en passant. C'est moi qui décide quand c'est fini, mais bye, bonne journée. C'est très, très facile, comme travail. OK. Et pour ce qui est de la consultation, j'imagine que ça peut être soit en présentiel et ou également à distance. Je le fais sur Zoom, en présence, de moins en moins. OK. Donc, pour les gens qui s'intéressent également, vous allez avoir, comme je disais il y a quelques instants, les informations là, par rapport à Mona pour entrer en contact avec elle, donc en bas de l'enregistrement. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces à faire? Non, je te remercie. Ça fait plaisir. Sinon, on va aller faire les annonces pour Berthold. Donc, Berthold qui est toujours très actif sur YouTube. Donc, les samedis matin aux heures du Québec, il fait régulièrement des vidéos où il interagit avec des gens, prend les questions, les commentaires via un espace de clavardage. Donc, des vidéos qu'il va enregistrer en direct qui durent environ 1 heure. Sinon, de manière ponctuelle pendant la semaine, des fois, il va faire des enregistrements aussi en solo pour commenter la politique, des fois, des sujets à caractère plus occulte également. Est-ce que t'avais quelque chose de particulier à annoncer aujourd'hui? Mais non. C'est correct. Sinon, de mon côté, ben, je peux mentionner aux gens qui apprécient les enregistrements que je fais au fil du temps, parce que j'en ai rendu au fil des années plusieurs centaines là, de disponibles. Là. Il y a des gens qui vont sans doute dire que j'exagère. Non, non. Allez voir sur YouTube, allez sur archive.org. Vous allez voir la quantité colossale de matériel là, que j'ai produit. Eh bien, si vous aimez tous ces enregistrements-là, ben, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec tous mes enregistrements, mais si vous appréciez mon initiative de diffusion web, bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à cette activité que court depuis plusieurs années. Donc, vous allez avoir les coordonnées en relation avec ça si vous voulez me faire donc une contribution via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir toutes les informations par rapport à ça en bas de l'enregistrement présent. Donc, mes annonces sont faites. Et donc, on va retourner par rapport au sujet principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que en cette année 2023, ce qui a attiré mon attention en lien avec la diffusion de la conscience supramentale, c'est le fait qu'il y a une sortie massive d'enregistrement de Bernard de Montréal, comme je le mentionnais tantôt. Et selon vous, en lien avec ça, est-ce que Vous voyez que c'est en relation avec un agenda occulte de dévoilement progressif ou comment que vous percevez ça? Ben moi, je les ai pas écoutés. La question de moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu poses la question, c'est Bernard avait annoncé, j'ai été témoin, Je sais pas, mon nom. là. Ouais, ben ce que je veux dire, c'est que Bernard avait dit que ça deviendrait public, son matériel, puis même qu'à un moment donné, des gens en feraient une religion, hein, en passant. Alors, je pense qu'on est plus dans cet agenda-là que c'est même pas un agenda pour moi. Il a placé ça comme ça. Puis dans ta question, c'est sous-entendre, mais tu disais que c'était comme si c'était adressé à des gens plus tard. Pour moi, c'était adressé à qui en a besoin au moment où ça arrive. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais essayer de. Processus, ça me dit, c'est un processus, cette prise de conscience ou du développement de conscience. Fallait qu'il commence quelque part. Donc, puis on voit ça beaucoup. Il y a beaucoup de gens très spirituels au début, dans la démarche supramentale, qui ont des filtres très, très spirituels. C'était l'époque des années 80. Moi, j'étais pas là-dedans encore, mais c'était peut-être du monde plus spirituel, mais ça commence comme ça. C'est ça que je veux dire. Puis tranquillement, ça évolue. Puis ça fait des petits. Vous êtes, pour moi, vous êtes des plus jeunes générations. Moi, j'ai 60 quelques. Vous avez la quarantaine. Après, ça s'améliore de génération. Pour moi, c'est progressif, l'intégration de la conscience. Ça se fait à un rythme que le monde est capable d'absorber, tout simplement. T'sais. Je pense pas qu'il s'adressait à une génération plus tard. Je pense qu'il s'adressait maintenant et plus tard. C'est pas un Ben, matériel pour des milliers, des centaines d'années, ça, là. quoi que pour la période qui ont été produits, c'est-à-dire entre 1981 et 1983, c'était vraiment devant un public sélectionné, restreint, à la différence des conférences qu'il avait fait avec, par exemple, Richard Glenn, Daniel Ménard, François Payotte, qui ont Ça été... dépend. Il y avait des privés aussi. Il n'y avait pas rien que du. Ça, c'est les publics, mais les privés, j'ai jamais entendu une conférence privée de Bernard en ligne. Bien, c'est-à-dire que les enregistrements réservés aux séminaristes qui avaient C'est été ça. faits pendant la période, eux autres sont en ligne depuis longtemps, là. Pas sûr que c'était celle du dimanche que j'entends. Il y avait les vendredis publics de Bernard, puis il y avait des privés, mais il y a des privés que ce que j'ai écouté, j'étais quand même pas dans l'une. Il n'y a pas grand-chose, je me rappelle, que j'ai vu sur Internet du privé, en tout cas. Mais peu importe. C'est pas important. Ce que je veux dire, c'est la vision, c'est ça. C'est que ça se projette. Go, Bernard. Les cassettes pour les séminaristes et communications, c'est Bernard, il est assis à son bureau, puis il parle à un enregistreur pour vraiment une conférence, là. Oui, c'est vrai, dans le sens qu'il ne parlait pas au public. Les 80, Non. vous parlez là? Comment? Les conférences qui viennent de sortir, celles de 81 à 83, c'est ça que tu dis, Bertol? Ils Non, s'enregistrent. moi je parle. Non, Perdu. je parlais les cassettes communication, là. Genre, c'est pas des conférences, là, tant qu'à moi. Mes autres, ça fait longtemps qu'ils sont sortis. C'est quand tu parlais comme une machine là, que je parle. Ça enregistrait, ben, c'était mécanique, là, on voyait, Moi, ceux que j'écoutais pour dormir. J'ai pas compris, Bertrand. Mais j'ai dit ceux que j'écoutais pour dormir, là, communication, là. Moi, ben, je les écoutais en dormant, là, sans joke, là, il y a 5-6 ans. Mais ben, moi, je le savais qu'il avait donné des conférences à des groupes de plus en plus restreints, là, qu'il y avait différents paliers, comme. C'est J'étais ça. sûr aussi qu'il y avait du matériel inédit qui allait sortir, parce que comme si on regarde pour sa succession, ils ont arrêté, il y avait des actions qui étaient... Je sais pas pour Bernard, je sais pas. Je connais l'histoire de Daniel Ménard, mais Bernard, je sais qu'il y avait une entente avec sa femme et sa fille, là, mais sur dévoiler les choses dans un temps précis, mais j'en sais pas plus. Oui, ben là, je vois que Bertold, son son a figé. On va espérer que ça puisse revenir dans les prochaines secondes. Bertold, ce Moi, ça que. coupait. Oui, ça l'a coupé. Fait que, si tu veux, tu peux redire la phrase que tu disais. Ben, je me rappelle pas. OK. C'est pratique. Mais OK, ben je Oui. disais, je le savais que. Il y avait des conférences qui étaient faites à des groupes plus restreints, comme s'il y avait différents paliers, puis qu'il y avait du matériel inédit, qu'à un moment donné, ça allait sortir. Mais c'est comme à partir d'une certaine époque, la succession a arrêté de protéger les droits comme c'était prévu. Fait que d'après moi, il y a des directives au niveau la succession. Ouais, mais je suis pas au courant, c'est ça que je veux dire, je sais pas. Comment, Moi mais non plus, comme je le savais qu'il y avait du matériel inédit, j'en avais parlé, puis qu'à partir de certaines dates, ça allait sortir, mais c'est pas parce que je suis au courant, là. Non, exactement, mais tu sais, c'est particulier parce que c'est à peu près 40 ans après que ça a été produit. Comme si ces enregistrements avaient resté comme en quarantaine, tu sais, avaient resté voilés pendant une période de temps. Puis là, c'est sûr qu'en cette année 2023, on peut se poser la question à savoir est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère ou une nouvelle phase de l'implantation de la science supramentale au sein de la population, dans le sens que dans les années 80, ils ont ensemencé certaines idées, il y a eu de la retenue d'informations. Puis là, c'est comme on ouvre davantage les vannes, là, dans le sens que moi, quand j'ai vu ça, là, 76 enregistrements au-dessus d'une centaine d'heures, juste Colin, c'est comme il y a un mouvement qui est là pour que le matériel sorte. Puis en même temps, bon, on est à un tournant au niveau de l'humanité. Je veux dire, on est confronté avec des conflits internationaux, que ce soit la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie, et également entre Israël et le Hamas. Donc, on est dans une situation mondiale assez tendue au moment où ce que ça sort. Ben, moi, je vois pas nécessairement de, comment je pourrais dire ça, je vois pas nécessairement donner de sens à ça. A C'est correct, ben, je peux pas vérifier vraiment. Mais ben, je les ai même pas écoutés, les mini-rencontres. Moi, j'en ai écouté plusieurs. Puis je te dirais que Bernard de Montréal, il y a certains sujets que je trouve qu'il va plus loin que dans des enregistrements publics. Puis, tu sais, dans les mini-rencontres, au début, il va parler, disons, par exemple, d'un sujet en solo pendant une certaine période de temps. Puis par la suite, il interagit avec les gens, souvent vers le milieu ou la fin de l'enregistrement. Puis c'est souvent c'est intéressant l'interaction avec les gens parce que les gens amènent des préoccupations pratiques, que ce soit la santé, le travail, comment intégrer ça au quotidien. Il y a ce volet-là. Puis souvent au début, ben c'est un sujet qui est plus, disons, théorique ou au niveau du principe, là. Je pense que c'est ça, les privés. C'est cette série-là qui vient de sortir. C'était comme ça que ça procédait dans les privés. Il y a une partie où ils parlent d'un sujet, puis après, il y avait la partie où les gens pouvaient poser des questions. Des fois, les gens n'avaient pas de questions, fait qu'ils continuaient. En tout cas, mais moi, je vois pas de lien non plus entre le fait que ça sorte aujourd'hui, puis c'était quoi l'autre affaire que tu demandais avec les événements dans le monde. Pour moi, c'est... ça, ben, peut-être ça a un lien, mais je vois... Je fais juste voir que l'instruction supramentale descend sa planète de plus en plus. À part ça, y a-t-il d'autres choses à ajouter que ça? Non. Ben, pas pour moi. OK. Toi, Bertha, t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ben moi, mes yeux, l'instruction supramentale, ou peu importe comment qu'on appelle ça, c'était individuel. Donc, tout le côté social, puis tout, je vois ça comme à côté. Ben franchement, là, une fois quelqu'un qui a son contact, il écoute plus grand-chose, je pense, là. Ben, tu vas écouter pour observer des affaires. C'est ça. À un moment donné, on décroche de tout, là. Je suis d'accord avec lui, moi. Je suis d'accord avec Bertha. Ben, c'est sûr qu'on peut C'est s'attu... sûr. Ouais. Parce que, comme je te dis, j'ai même pas eu envie de les écouter. Mais Mais il y a un développement. Pour moi, il y a une évolution sociale qui se fait quand même. Il y a une prise de conscience mondiale au niveau du collectif que j'aurais jamais pensé voir de mon vivant, moi, présentement. Parce que ce qu'on parle aujourd'hui, moi, à 19 ans, sciences politiques, j'ai pris conscience de ça, là, ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, pour moi, Ben, peux-tu clarifier ce j'ai que. étudié en sciences politiques à Oui, mais l'UQAM à c'est. 19 ans. En sciences politiques, la OK. première chose que tu apprends en politique internationale, mais même au cégep, je ne sais pas quel cégep les gens sont allés, mais j'ai 62 ans. Donc, même au cégep, on nous instruisait déjà de ce qui se passait, qu'à un moment donné, ça venait de plus en plus, les compagnies grossissaient, les corporations, qu'on allait se retrouver avec quelques centaines de personnes qui contrôlent l'économie mondiale. J'ai appris ça à 17-18 ans à l'école, c'est pas d'hier, cette affaire-là, mais quand je suis rentrée à l'université, J'ai encore plus constaté que c'était comme ça dans le monde. Puis moi, ça m'a décroché. J'ai dit que j'ai rien à faire avec ça, il faut que je passe à autre chose. Mais la conscience sociale, présentement, qu'on se fait fourrer, excusez-moi l'expression vulgaire, là, qu'on se fait fourrer économiquement solide depuis longtemps, ou pas rien que là, on se fait mentir. C'est Bertrand, un jour, il avait dit fini secret. Enfin, ils ont pu finir par arrêter les secrets de la planète. Mais c'est ça collectivement qui se dévoile tranquillement. Ça, pour moi, il y a une évolution progressive dans le social. Mais l'individuation, puis le contact, puis le travail de conscience reste individuel. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr. Puis, Jamais par le collectif. non, c'est Par le ça. collectif, en fait, c'est ça. Mais les enregistrements qu'a fait Bernard s'adressent à l'individu. Mais moi, j'ai l'impression que ça a été. Aussi, David, il parlait Comment? aussi du collectif. Ben non, on ne peut pas y parler de l'individu. Non, mais il s'adressait d'abord à l'individu. Ça dépend de ce qu'on écoute. Des fois, il faisait, tu sais, quand tu parles des cosmologies, puis est-ce que c'est à l'individu qui s'adresse? Je ne sais pas, là. Il n'y a pas grand monde pour comprendre ça, là. En tout cas, peu importe. Je m'ostine pour rien. Non, il pouvait, c'est sûr, rentrer dans des considérations par rapport à la nature de l'univers, des sphères, puis au Ben, c'est niveau. parce que je trouve qu'on prête des intentions à un homme qui n'est pas là. On pourrait-tu passer un sujet suivant, là? Excuse-moi, David, là, mais Oui, moi, on. j'aime les gens qui sont morts de prêter. J'en lis des gens qui prêtent des intentions à Bernard qui ne l'ont jamais connu. Là, je ne suis plus capable. Il est mort, on peut-tu le crisser à la paix, puis regarder ce qu'il a écrit, puis voir ce qu'on en comprend, puis laisser faire le reste, sur spéculer sur sa vie. L'autre, qu'est-ce que j'en. Il se serait gelé à la face au Mexique aussi. Je m'en fous! Peut-être, peut-être pas, mais qu'est-ce que ça sert? À quoi ça nous sert, nous, présentement, cela, là? Puis que Non, ce soit c'est. adressé à des gens spirituels, puis peut-être avancer. C'est moins important, c'est ça, je veux dire. On met trop d'importance dans ces affaires-là. Oui, c'est sûr que les intentions de Bernard, il n'est plus là, fait qu'il ne peut pas vraiment J'ai confirmer jamais vu ou les intentions de infirmer. Bernard. Qui peut dire les intentions de Bernard? Qui l'a côtoyé de ses proches pour savoir? Puis je pense qu'il ne savait même pas lui-même, quelque part, à un moment donné. C'est pas toi qui penses, pas lui qui pensait non plus. Il y a quelque chose d'autre qui passait à travers lui. C'est juste un bon canal. T'sais. Il y Non, avait un corps pour, parce que je sais pas si vous le savez, c'est quoi d'avoir de l'énergie qui nous descend dans le corps? C'est assez tough. Hein? Ça secoue pas rien que le corps physique. Là. Alors. Moi, j'ai pas d'intention. J'essaie pas de deviner les intentions de quelqu'un, c'est ça que je veux dire. Puis je projette pas d'intention sur quelqu'un, idéalement. Parce que on sait pas la vie des gens. Je suis désolée, on connaît rien. On sait strictement rien. L'humilité a meilleur goût. c'est peut-être mieux de même aussi. Tout à fait. Oui, bon, OK, on peut passer à un autre sujet. En fait, je voulais vous amener à commenter en lien, entre autres, avec l'instruction supramentale, étant donné que, tout comme moi, pendant plusieurs années, vous êtes intéressé, entre autres, au matériel de Bernard. Puis, l'un des sujets qui m'avait un petit peu contrarié, c'était de voir toute l'hypocrisie du monde supramental. Ben, c'est normal. Oui. Non, mais c'est du monde ordinaire. Tu sais, je veux dire, on prête des intentions. Encore une fois, on a des attentes de gens qui se disent intelligents. On s'attend à ce qu'ils soient intelligents, mais ça, je veux dire, c'est encore des attentes de projeter sur les autres des attentes ou de. Non, on est vulnérable. En tout temps, on peut se faire piéger. N'importe quand. Moi, j'ai vu Daniel Ménard se faire piéger dans ma vie. Il faut le faire, Chris, quand même, là. Il y a du monde qui se font. On peut se faire ramasser n'importe quand. Alors, ce que je préconise, s'occupe toi de tes culottes, puis check ton astralité, puis de se faire l'astral des autres. C'est ça, l'hypocrisie peut être au niveau des gens, mais je voulais l'entendre aussi au niveau des plans. Ça, c'est un aspect que Ben, écoute. Bernard a dévoilé, là, c'est-à-dire le mensonge cosmique, puis les sphères qui mentent à l'homme au lieu qu'on les mette sur un piédestal. Puis l'hypocrisie, dans le fond, quand la personne intègre sa conscience, à un moment donné, dans un de ses enregistrements, Bernard discutait avec une dame qui lui demandait si Dieu existe. Puis lui, il y a répondu, ben, pour vous, madame, oui, le Dieu existe. C'était comme pour lui faire plaisir ou la sécuriser, mais en Non, réalité. pour pas faire de choc d'un genre. Et Christ, c'est dur à comprendre ça, hein? Ben oui, ben pour la protéger, c'est pour ça que je disais la sécuriser, la mettre comme en confiance.

responsable chargé de recherche. Fait que lui, il bouleversait le paradigme officiel parce qu'avant, tous les gens qui disaient qu'ils étaient en contact avec les extraterrestres étaient vus systématiquement comme des psychotiques. Lui, il disait non, c'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est ça, ça crée des tensions. Toutes les personnes qui émettent du nouveau sur la planète passent pour des fous en passant. C'est pas le premier. C'est la réaction du collectif normal. C'est plutôt que quelqu'un amène quelque chose de nouveau. Tu sais, je sais pas, moi, dans le temps que. C'est qui disait que la Terre était ronde dans le temps que tout le monde pensait qu'elle était plate ou l'inverse? Hein? Galilée. Galilée, hein, il passait pour un fou. Pourtant, il avait raison. Il y a plein de gens qui ont amené des nouvelles choses. Puis la première réaction, c'est toujours des extra. Des extra. Voyons. De les ostraciser, de les mettre de côté. Tesla, il est mort comment, Tesla? Il a découvert plein d'affaires, tout le monde riait de lui, tout le monde l'a tassé, mais finalement, ses découvertes sont cachées et détenues par la famille Trump, alors, tu sais, comme par hasard, mais c'est un fou fini, ben oui, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qu'on me dit qu'il est fou, j'ai tendance à l'écouter un peu plus. Ben, tu au moins vérifier. Oui. Au moins vérifier. Ben oui. T'sais, aussitôt que quelqu'un moi, me dit, ah, si, mettons, j'entends socialement telle personne ici, ça m'intrigue parce que je sais que t'as peur de l'allure. Ben Présentement, oui. ils nous montrent tellement de menteries à la télévision, on n'a rien qu'à écouter ce qu'ils disent, puis tout inversé, puis tu vas tout savoir ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de désinformation, mais en fait, les personnes qui amènent des idées nouvelles, en effet, sont souvent caractérisées comme fous. Puis ça m'amène à vous parler du rôle ingrat des initiés, dans le sens que d'amener des nouvelles idées par rapport à une population hostile, c'est un rôle qui est difficile à vivre. Tu sais, Bernard de Montréal a été confronté à des gens, dans certains cas, qui s'opposaient à ses idées. C'est sûr que lui, il n'a pas été dans les médias de masse, il n'a pas été confronté à Guillaume Lepage ou ben oui, mais tu sais, les vedettes québécoises, là, que ce soit Madame Bombardier de son vivant ou d'autres personnages, Richard Martineau. Mais quand même, à son niveau, il a vécu des oppositions. L'instruction supramentale, cette année, je suis une des rares personnes qui en parle. Je m'aurais attendu que Richard Glenn ou d'autres personnes sur le web qui se sont intéressées à Bernard en parlent, la sortie de toutes ces mini-rencontres. Et c'est pas le cas. Inquiétez-vous pas qu'on n'en parlera pas non plus dans les médias de masse, que ce soit Radio-Canada, TVA ou d'autres médias européens. Mais il faut pas que ce soit le cas. OK, explique. Ben ouais, mais attends, tu peux pas garrocher ça de même à un grand public, là. Mais en Tu sais, même c'est dangereux. dangereux, David. Mais en même temps, il faut que ça sorte, puis quelque Ben, part, ça sort, c'est pas à ton rythme à toi, là, mais ça sort. ça se rend où ça va aller pareil. Tu sais, il y a Comme. 30 ans, là, quand vous autres, vous êtes jeunes, là, mais il y a 35 ans, là, quand je parlais de ça avec mes amis, pensez-vous, on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui avec qui on peut parler que ce que c'était il y a 35 ans, passant, là. Ben oui, c'était beaucoup plus tabou aujourd'hui. Pas juste tabou dans le temps, c'est qu'il y avait très peu de gens intéressés par ça, là. Les gens vivaient leur vie, payaient leur char, leur maison, c'est bien assez, là. S'il y a d'autres choses qui s'est passé, il y a eu une expansion de ça, c'est ça que je veux dire, David. Tu dis, il faut que ça soit transmis. C'est transmis, mais à la vitesse que ça doit être. Mais moi, Puis j'ai moi, je m'en. l'impression qu'il y a quand même un volet d'accélération. C'est-à-dire, en 2023, tout d'un coup, c'est comme une brique qu'on reçoit là, par la tête. Là. Je veux dire, il y a plusieurs enregistrements, tu sais, 76 conférences qui sortent d'un coup. C'est comme, moi, j'interprète ça comme une volonté des forces systémiques de vouloir accélérer le mouvement en diffusant tout ça en bloc, là, présentement. Moi, je pense qu'on va rien que faire de la division, mais on verra bien. À date, c'est sûr qu'on a vu pas mal. C'est sûr Dis qu'il y a rien, beaucoup de. là, moi, je pense que c'est ça qui va se passer, parce que j'entends, en tout cas, je vais rester calme, parce que j'ai vu des gens, tu sais, du monde qui écrit des choses sur ce qui en tout cas, non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je On est bête. mieux de pas faire ça, exact, là. C'est sûr qu'il peut y avoir Et ça des. ne va pas diviser. Moi, tout ce que je vois, c'est du monde qui s'ostine, OK? Puis je ne serai pas là-dedans. Je ne veux rien savoir. Ben, c'est pour ça, dans le fond, Oui. j'écoute personne. Mais Je vais pas c'est parce que voir je rien. n'écoute pas, ma Bertha. Le monde ne s'écoute pas. Il essaie d'avoir raison, ce que je ne sens pas avec vous autres. Non. Mais Souvent, dans un échange avec des gens qui ont de la conscience ou du début de conscience, appelez-le comme vous voulez, moi je m'en fous du niveau, là. On discute, puis là, c'est comme, au lieu d'affirmer, tu sais, les gens me disent, t'es donc bien affirmative. Ben oui, mais affirme par-dessus, puis arrête de faire chier. T'as rien qu'à, j'affirme quelque chose, t'ajoutes quelque chose, c'est ce que Bertolt fait. Bon, David, bon, on construit de même. Mais des fois, tu parles avec des gens qui se disent conscients, puis là, c'est pas ça qui se passe, c'est. Ils veulent avoir raison parce qu'eux autres, leur perception, ils veulent être validés dans ce qu'ils pensent. Donc, ils n'ont pas le contact parce que ça veut dire que tu es en train de chercher à avoir raison à l'extérieur de toi, sur les autres. Ça me gosse. Ben oui, Ça veut parce que c'est dire de la que les gens n'ont rien domination. compris. Vouloir avoir raison sur les autres, c'est vouloir les dominer, puis là, ils sont encore dans le jeu de la vérité, que c'est moi qui ai la vérité, puis qu'il faut Et qu'ils voilà. l'imposent aux autres. C'est ça. Moi, les jeux de vérité, là, on est 8 milliards, il doit y avoir 8 milliards de vérités, Chris, c'est pas compliqué, là. Fait que. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'avais aimé l'enregistrement que j'avais fait la semaine passée avec Bertone. On avait discuté de long en large du conflit là, entre Israël et le Hamas, tout en étant les deux en accord, en disant qu'on ne prend pas parti pour un camp ou l'autre. De toute façon, c'est de la diversion, cette affaire-là. Il y a ben l'arrière de ça est encore pire. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait « Pourquoi tu prends pas pour personne? » Je dis « Papa, je suis pour tout le monde. » Ben, c'est pas que prendre pour si je regarde la Palestine puis l'Israël, juste moi, j'étais dans le premier Antifa en 1984 en passant à Montréal. Là, j'étais polarisée pro-Palestine. Mais si je le regarde aujourd'hui, 35-40 ans plus tard, il faut quand même faire attention à l'inversion qu'on voit dans les réseaux des médias, la télévision de merde, là, constate. Là, moi, la pitié d'Israël, là, je vais faire, je ne suis plus capable. Là, je suis plus capable. Ils se présentent comme des victimes encore, Israël, quand ça fait 75 ans qu'on colonise un territoire qui ne lui appartient pas puis qui a été négocié sans aucune entente. Excusez-moi, là, je suis ni pro-Israël ni pro-Palestine, mais tentez pas d'inverser ça pour faire pitié, ça ne marchera pas. Parce qu'ils font un génocide depuis 80 ans. Puis ils se plaignent du génocide qu'ils ont vécu à la Deuxième Guerre mondiale. Mais Israël a été défini en 1917 par l'entente de Balfour. Balfour. C'est pas à la Deuxième Guerre mondiale qui s'est défini Israël. C'est en 1917 Sauf que qu'ils la ont Deuxième Guerre mondiale a été pris une à la Deuxième Guerre opportunité mondiale. par la Le suite. projet existe depuis Oui, c'est 1917. ça, mais la Deuxième Guerre mondiale a créé le consentement social de la population mondiale face aux horreurs décrites dans les camps de concentration nazis, de mobiliser l'opinion publique pour dire oui, ça serait une bonne chose qu'il y ait un pays. Ben oui, mais c'est ça, un pays, ça se fait pas n'importe comment. C'est ça. Le camp David, là, c'est une honte. L'entente du camp David, là, c'est une honte mondiale. C'est quoi Mais cette bon, entente-là? aujourd'hui, ils sont pognés avec ça. Moi, je dis tout le temps, là, ça prend deux États. De toute façon, pour moi, on verra, là, mais ma perception, c'est que les deux extrêmes des deux pays vont disparaître. Le Hamas, puis Netanyahou, puis sa gang de ticlons, là, le sioniste de marde, excusez, je l'ai dit. Parce que les peuples ne sont pas. Il faut faire la différence entre les dirigeants des pays puis les peuples. Il y a vraiment une énorme différence. Parce que les gens sont manipulés Ben partout oui, dans le ben monde. comme nous Pas autres, juste ici qu'on se fait manipuler, là. Tout le monde est Oui, mais c'est manipulé. comme nous autres, il y a une différence entre nous autres puis Justin Trudeau, là. Donc, tu veux vraiment nous faire chier, toi, la soirée? Parle-moi pas de la flaque, s'il vous plaît. Oh. Un pion, ça. Hey, je t'avais dit, David, tu sortirais par un scandale. Il y en a quelques-uns qui commencent à sortir, là. Oui. Pas fini, le pire s'en vient. On va avoir du fun bientôt. Mais quoi qu'il en soit, en fait, moi, ce que je vois à travers les conflits internationaux, que ce soit la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou ce qui se passe présentement là, entre Israël et le Hamas, c'est que c'est toujours la population qui est manipulée pour être polarisée pour un camp ou un autre. C'est ça. La particularité de l'époque présente, c'est que toute l'information est rediffusée dans les différents pays en temps réel. Puis il y a une prolongation dans le sens qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas. Au Québec, il y a des gens pro-palestiniens ou pro-israéliens qui vont s'affronter dans les rues lors des manifestations. Ça se voyait pas là, il y a 50 ans, là. En tout cas, ouais, Il n'y a même pas 30 ans. c'est ça. Divisé pour régner, mais c'est eux. Mais Bertha, t'avais-tu quelque chose à dire? Je m'excuse. C'est eux qui. Eux, c'est qui, là? C'est ceux qui détiennent l'argent monétairement, là, sur la planète. Qui a les finances entre les mains? On ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que c'est le genre Rothschild, Rockefeller, les banques. Bon, OK. En passant, c'est des Juifs. Oh! Oh, des juifs s'ils n'ont pas la barbe blanche. Non. Mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas des Juifs, c'est du monde à l'argent qui sert de la religion juive pour C'est manipuler ça. le peuple. Mais c'est C'est eux ça. qui créent les crises, c'est eux qui créent les problèmes, c'est eux qui amènent les solutions. Puis ça fait 200-300 ans que ça dure, depuis l'agression des banques. Puis là, c'est le temps que le monde se réveille, il y a ceux qui s'en rendent compte. C'est ce qui se passe présentement. Collectivement, les gens commencent à comprendre qu'ils se font niaiser. Nous, on a une compréhension peut-être Ben, plus c'est grande. comme quand je regarde, par exemple, les rabbins en Israël qui sont très, très pro-Netanyahou, c'est tous des rabbins qui sont en Europe ou au Liban ou au Maroc, mais ils viennent pas de Jérusalem. C'est ça. Tandis que les rabbins qui sont à Jérusalem sont souvent anti-sionistes Exact. Exact. Très exact ce que parce tu qu'ils dis. l'ont connu la paix eux autres avant. T'as-tu vu l'entrevue de Netanyahou qui est sortie il y a plusieurs années? Pas une entrevue. Il a été enregistré avant même qu'il soit président. Avant, ça fait, en tout cas, ça fait quelques années de ça. Il n'était pas président encore. Et puis, il explique comment emmener à bout des Palestiniens. Ben ça, on sait que ça fait partie du projet, c'est de l'épuration ethnique, là. De se débarrasser d'eux autres définitivement. Ben oui, ben dans le fond, c'est leur solution finale à eux autres. Je veux Parce... dire, ils sont là à se victimiser avec des affaires qu'ils reproduisent. C'est ça. Mais ils créent le problème pour... Parce que d'après moi, en arrière de ça, là, puis je suis pas mal sûr que vous le savez, il y a un enjeu bien plus grand qu'ethnique, là. Ben, c'est Et franchement, mondial. Israël est implanté dans un... Pour moi, comment on appelle ça? Un chien de garde des États-Unis, de la gang... Ben, c'est La une corporation prolongation des des États-Unis qui États-Unis. sont la prolongation de l'Angleterre. Pardon, David? Moi, mais pas juste ça. Ben, moi, j'ai dit que Israël est la prolongation des États-Unis qui est la prolongation d'Angleterre. Ouais, ben Moi. là, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand ils ont implanté Israël à l'endroit où ils l'ont implanté, étrangement, ils sont entourés de pétrole, toi. De terres de pétrole. C'est qui est le plus gros détenteur de pétrole? L'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Irak. Il y en a d'autres, là. Ben oui. Mais là, ben, il Donc, reste que je demande à Israël, Jérusalem. qu'est-ce qu'ils font? Ils colonisent autour, puis ils colonisent quoi? Ils colonisent quoi? C'est le pétrole, c'est l'énergie qu'ils veulent contrôler dans le monde. Pour Ben, il moi, reste c'est. Jérusalem, ça a tout été la capitale de la Judée, pareil, là. Je veux dire, ils peuvent pas faire ça. Ben, en tout cas, Moi, je parle de la même. création de l'État d'Israël, hein, Berthold, pas de Ben, il est Jérusalem. tout petit. De... Hein? Ouais, mais je veux dire, c'est tout petit, leur Israël, là. Sur Présentement? les. Ben oui, eux autres, ils veulent traverser le Jourdain un jour. Ah oui. Ils se rendent jusqu'à l'Euphrate, puis ça veut dire jusqu'en Irak, là. C'est Mais. moi, c'est les ressources qui c'est il y a un génocide qui se fait ou un déplacement de population, une Ben, c'est guerre à des ça, c'est parce populations, mais le que. but, c'est les ressources. Ouais, ben là, moi, la façon que je vois ça, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est qu'ils cherchent à quelque part les amener, cette population, à l'exode. Bien sûr. Fait qu'ils laissent partir d'abord, ça marche pas. Ils ont même pas le droit de s'en aller. Même pas Ben, le droit de c'est. sortir de leur prison à ciel Ben ouvert. là. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont parti du nord Attaque vers le nage sur sud. la Les gens mer, là. du nord en exode vers le sud, 1,1 million. Fait que là, à ce moment-là, ça va être sans doute un territoire qu'ils vont s'approprier en continuité avec l'appropriation territoriale qui court depuis 1948. Ben, si tu regardes la carte de ce qu'on appelait la Philistie dans le temps, puis que tu regardes aujourd'hui Gaza, la bande de Gaza, je suppose pas mal pareil. Moi, je vois, il y a quelque chose là, c'est-à-dire ils ont voulu recréer ça pour rentrer dedans. Je le vois de même. C'est comme le Aussi qui ont... mondialisme, ils veulent une capitale, ça pourrait être Jérusalem. Là, ça cherchait un trou où aller en Estie, excusez-moi. Ils ont perdu l'Ukraine depuis 2022. L'argent, tu sais, l'argent, c'est l'argent, parce que suivez l'argent, ça part où, l'argent qui est parti en Ukraine, là, il y a un filon aux États-Unis qui ont dévoilé, là, qu'il y a de l'argent envoyé en Ukraine, puis ça revient aux États-Unis, puis ça retourne dans la banque à bidon, là. C'est drôle, cette affaire-là. Ils ont trouvé les liens par les banques, là, de plus en plus, ça va sortir, ça, en 2024. En passant à l'apocalypse, ça veut dire une révélation, hein, c'est 2024, les secrets vont être Mais en dévoilés en même grande temps, moi, partie. j'ai aucun espoir à ce, trop à ce niveau-là, parce que ce qui était supposé de sortir par rapport à la fraude électorale entourant Donald Trump, que tu m'avais parlé il y a plusieurs années, C'est pas fini. Je t'ai dit qu'il revenait en 2024. ben, tu Attends. m'avais dit pour l'automne C'est en 2021, 2023. David. Dans un enregistrement passé, tu m'avais déjà parlé que lors de l'automne 2023, on était supposé avoir des révélations. Or, on les a Ben, pas. il y en a des révélations, David. Il y en a Mais plein. Paul ça Lampo, change qu'il pas est la en donne cours, dans le il sens fait que tout ça. Biden, il est pas obligé, d'être destitué de son pouvoir présentement. Non, mais il y a une poursuite sur le cul. Non, il y a plein. Je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a trop de détails, c'est complexe, là, mais attends, le retard, je me suis peut-être trompée de quelques mois, puis tant mieux si je me trompe, mais moi, je vous dis, il revient en 2024, c'est sûr qu'il est là. Puis il n'est jamais parti, le monde va découvrir qu'il n'a jamais quitté le pouvoir non plus. Qu'est-ce que Il a tu en toujours penses, rêvé. Bertol? Bidon n'a jamais été au pouvoir, il n'a même pas les clés du nucléaire entre les mains, Bidon. Ils sont entre les mains de l'armée. OK. Puis Bertol, toi, qu'est-ce que tu en Une guerre penses? nucléaire est impossible avec Ben Bidon. là, le poste de président américain, c'est pas si élevé que ça. C'est un peu comme une mascotte, Joe Biden. Il dit, place-toi là, il y a un X à terre, puis lis ton papier, lis ton écran, puis bon. Improvise pas trop parce que c'est gênant. Puis... Et non, j'improvise pas surtout. Non, mais C'est pas est-ce l'argent. que j'étais curieux d'avoir la perspective de Bertha. Est-ce que selon toi, Donald Trump va revenir au pouvoir en 2024? D'après moi, il va se présenter aux élections, puis s'il fait ça, il rentre. OK. Puis Les élections vont être suspendues. est-ce C'est que. ça, s'il Ouais. tombe, si les États-Unis tombent en état de guerre, par exemple, avec l'Iran, Non. ben là, il n'y a plus d'élections. C'est comme dans le temps d'Eisenhower, là. Fait que Mais ça non, compte plus. les États-Unis ne rentreront pas en guerre, Berthold, pour moi. Non, c'est Ils pas rentrer en guerre, être en état de guerre. sont en état de guerre depuis 2011, je crois. Parce que moi, C'est c'est parce que urgent. comme quand les États-Unis envoient des troupes au Vietnam, les États-Unis, tant qu'à moi, sont pas en guerre. Je veux dire, il se passe rien sur leur territoire. Ça, c'est pas une Présentement, il y a fait. de l'armée américaine au Vietnam? Non, non, je parle, je donne ça comme exemple. OK. Les États-Unis, c'est un pays qui a le luxe de pouvoir être en guerre sans l'être. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais, en tout cas, on verra, là. Mais moi, je pense, ce que je perçois, c'est que c'est l'armée qui va prendre le contrôle des États-Unis dans une suspension de pouvoir. Et l'élection de 2024 va être peut-être suspendue le temps de refaire l'élection de 2020. Moi, je Voilà ce que je pense. demeure très sceptique à mesure que le temps passe, parce que la fraude électorale, la façon qu'on s'aligne, c'est que Bidon va compléter son mandat en 2024. Oui, Ben. mais ce que tu ne tiens pas compte, David, là, c'est que les preuves sont sorties, mais il n'y a aucun juge qui est capable de prendre ça en charge puis d'amener ça quelque part parce D'où qu'ils ont la peur. raison de dire, comme je le fais depuis longtemps, que concrètement, ça ne change rien. Bidon, il est toujours au pouvoir. Non, mais il est manipulé, c'est ça, vous ne comprenez Ah pas. ouais, Ils puis j'ai veulent jamais pensé qu'il était au qu'il soit pouvoir, là. moi. Ils veulent qu'il soit là pour que les Américains réalisent dans quel. Les Américains, ils étaient tellement naïfs par rapport à ce qui se passe. Tu sais, c'était un peuple complètement ignorant de leur réalité. Qu'est-ce que leur gouvernement faisait? Moi, je me souviens, j'étais au Guatemala, j'ai 24 ans, peut-être plus jeune, mais en tout cas, j'étais au Guatemala, puis les Américains sont détestés dans le monde à cause de leur attitude gouvernementale, parce qu'il y a quand même d'autres pays que le Canada puis les États-Unis. Quand tu voyages, tu découvres qu'il y a des peuples qui ne sont pas aimés, dont les Allemands, par leur arrogance, comment ils se comportent dans le monde. Mais les Américains, quand ils étaient détestés à cause de leur gouvernement. Puis déjà, les peuples comme le Guatemala, le Mexique, étaient conscients de la manipulation du gouvernement américain. Mais le peuple américain ne voyait pas ça. Il se croyait encore dans. Il croyait lui Ben, mentir. les Américains, ils ne voyaient rien. Je veux dire, le peuple, C'est ça. ils confondent la Suisse puis la Suède, puis ils sont tout mêlés dans tout. Puis... C'est pas dire mieux ici, hein, des fois, j'ai demandé à qui c'est qui le président, le premier ministre du Québec, puis je me fais répondre des conneries solides. C'est pas pire. On est Ben, des ignorants finis. T'sais. je connais personne dans mon entourage qui saurait poser qui est le premier ministre, là. Ben, l'autre fois, t'as pas vu là, Guy Nantel là, qui demandait c'était qui le premier ministre du Canada, puis le monde n'était pas capable de répondre. Guy Nantel, Là. il fait ses affaires dans les rues de Montréal. Oui, peut-être qu'il choisit, c'est. En tout cas, Ben, il fait tout exprès ça de choisir pour dans dire qu'on ses est vox maintenant pop dans des l'ignorance, gens qui c'est sont ça, je veux ignorants, puis pour s'en moquer, parce que c'est plus captivant que de parler à quelqu'un qui est instruit, là. Bon, c'est Regarde, vrai. le Guy Nantel, il fait un job, c'est un peu comme Jean-René Dufort. C'est pas Oui. pour rien que les deux sont proches de la politique. Puis c'est souvent, faut pas trop qu'on ait d'estime de soi comme peuple, hein. Ben c'est ça, c'est de développer encore une fois l'image du peuple idiot, là. Je sais pas, j'ai vu une émission sur Nuevo, là, un petit sketch. J'ai tellement ri. C'est Julie qui a mis ça, là. Julie, là, ta copine, David. Là. Non, J'ai tellement ri. j'ai pas C'est de copie. OK. un petit sketch d'un couple. C'est une histoire. Ça, c'est une télésérie québécoise présentement, mais vraiment comment laver le cerveau du monde. Et le couple. Ils sont là, tous les deux. Le monsieur est tout déprimé. La madame arrive. Elle dit, mais voyons, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? Là, je viens d'aller dans la chambre de notre fille. Oui. Et quel est le problème? Ben, il dit, je suis rentrée dans la chambre. Puis imagine-toi, ben là, je pense qu'elle a 6-7 ans, petite fille, là. Imagine-toi qu'elle est en train de se frotter la ploune après la pluche. La ploune avec une pluche. Vous rendez-vous compte qu'on est en train d'adresser, là, c'est un conflit d'un couple avec la petite fille qui se masturbe, mais au lieu de parler de masturbation, de vulve, la vulve est une ploune. Ils ont répété ce mot-là 8 fois en 5 minutes. C'est C'était des comme. gens vulgaires qui sont pas des vulgarisateurs scientifiques. Mais je veux dire que ma compagne, c'est pas Julie, là, mais c'est Non, une pas personne. Julie, je te dis l'amie Julie, OK, la, je ne oui, peux plus la quelqu'un qui nommer est public. abonné là, à mon compte Facebook, là, c'est pas pareil. Je voulais juste apporter cette nuance-là. Mais c'est sûr qu'ils vont pas rehausser le niveau de vocabulaire de la population générale. Non, mais c'est ce que dit Berthold, c'est de maintenir les gens dans une vision d'un peuple d'idiots. J'en ai ri pendant 5 minutes, puis j'ai juste fait un petit commentaire en riant, en disant, je pensais que le mot français, c'était vulve, moi. Eh bien, maintenant, c'est plouche. Une ploune ou une plouche. C'est du n'importe quoi. Mais Oui. les gens. C'est ça c'est de l'ingénierie sociale, hein. C'est comme ça. Comment faire comprendre le Québécois, on est un petit peuple, on est toujours été un petit peuple de rien, on est donc rien. Puis le monde croyait ça, fait que ça finit. Mais je pense que le monde va se réveiller. Moi, je pense pas que les peuples dorment tant que ça, présentement. Ce sera pas la croissance merveilleuse demain matin, c'est pas ça que je dis, là. Mais je crois qu'on est moins idiots que ce qu'on essaie de nous faire croire. Ben, c'est sûr Québec. qu'on cherche tout le temps à nous abaisser, puis c'est comme de faire paraître des lions en potentiel comme des moutons pour que les gens vivent en dessous de leur capacité. Il y a cette réalité-là. Mais en même temps, dans mon cas, moi, personnellement, je suis très désabusé suite à, disons, à la période entre 2020 et aujourd'hui, là, par rapport à la gestion qui a eu cours là, au Québec puis dans d'autres pays occidentaux où les droits et libertés ont été bafoués. Moi, j'ai aucun espoir par rapport à l'éveil du peuple, en tout cas de mon vivant, là, dans le sens d'une masse critique de gens conscients, puis de mise en place de régences planétaires pour changer les choses, là, de changements significatifs au second niveau. Je ne sais pas pour Berthold. Non, je suis pas mal. T'sais, j'ai, je mais je gage pas sur rien de ça non plus, là. Mais je sais pas, c'est quoi que tu entends par. Là, tu as mis bien des mots, gérance planétaire, tout ça, mais pour moi, il y a une évolution collective qui se fait présentement dans un temps très précis de l'histoire de la race humaine. T'sais, pour moi, il y a une évolution, mais comme je vous dis, l'individu reste toujours. Ça reste toujours une individuation dans la démarche. Mais. Je suis pas capable d'adhérer avec l'idée qu'on est idiot à ce point-là encore. Peut-être que je vais être pas vais être capable de dire, mais pour l'instant, je pense qu'on est capable. Je pense pas qu'ils peuvent amener les gens à penser comme ils veulent qu'on pense avec 8 milliards d'individus sur la planète. C'est impossible. Donc, leur plan peut pas s'installer. Tu peux pas Bon, avoir ben. une Non, c'est meilleure sûr que le défensive plan des situation. mondialistes ne peut pas Ben, s'installer c'est le but. totalement. Ça, c'est clair. Ben, c'est ça l'idée. C'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense d'une façon comme unique, mais c'est C'est ça, impossible. ils n'y Je sais pas quelle est arriveront pas. l'idée qu'ils ont d'autres. Ils n'y arriveront pas, c'est sûr. Dans le fond, si on regarde juste au niveau de la théorie du chaos appliquée à la météo, il suffit de changer un paramètre tout petit pour que les prévisions météorologiques tiennent pas la route. Fait que tout ce qui est intellectuel ou de structure, de vouloir comprendre intellectuellement, tout ça, c'est voué à l'échec, là, dans le sens qu'on peut pas y arriver d'une manière absolue avec des éléments limitatifs. Ils s'en foutent que tu comprennes ou pas. Vas-y. Ils s'en foutent que tu comprennes ou pas. Dans le sens que pour installer un gouvernement mondial, t'as pas besoin que tout le monde pense pareil. Vas-y, continue. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Non, non, t'as pas Qu'est-ce que besoin tu que penses tout le qu'ils monde peuvent pense installer pareil. comment? Si admettons que moi, je sais pas, moi, je rentre dans un endroit qui a pas mal de monde, puis que on tient tout le monde en joue, puis tout le monde se couche à terre, sinon c'est une balle dans la nuque. Je m'en fous de quel monde, puis qu'est-ce qu'ils pensent. J'ai pas besoin qu'ils pensent tout pareil. Ils vont tout faire ce que je leur demande, sinon ils vont mourir. C'est un peu ça, là. C'est-à-dire que, justement, peut-être ça va rester la seule liberté, c'est justement le fait qu'il y en a dans leur tête, ils pensent pas de la même façon. Mais par contre, au niveau du comportement, ils vont tout agir pareil. Par Ben, conformisme social. je trouve que dans les derniers 3 ans qui viennent de se passer, ils ont essayé de faire ça, là, tu sais, avec Ça a très bien la marché. Moi, je pandémie, ils ont suis fait peur. même. Peur Bon, du moi, monde. j'en reviens pas comment que ça a bien fonctionné. Oui, mais moi, je m'attendais à moins de résistance que ça, mais il y a bien plus de résistance qu'on pense. Ils nous La ont menti. résistance fait partie de. L'opposition C'était prévu. contrôlée puis du calcul par rapport à eux. Tu Ben le moi, sais tout le temps qu'il y en a qui vont s'opposer. je suis contrôlée parce que j'ai refusé le vaccin un instant. Là. De quoi vous parlez, là? Non, non, qu'on le refuse ou qu'on ne le refuse pas, de toute façon, là. Non, moi, je dis pas que. Moi, je pense, premièrement, on est tous pareils jusqu'à un certain point. On est gouvernés pareils, là. Oui, dans les gouvernements, je comprends ton point, mais c'est parce que là, la résistance, à partir du moment où, moi, je ne dis pas résistance, je dis juste que je suis intelligente, mais je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas suivi les consignes malgré ce qu'ils ont Ouais, imposé. mais ça fait partie du calcul, ça. Il y a tout le temps un pourcentage qui suivront pas. Mais il Moi, n'y a pas je eu pense de que ça prend pas résistance pourcentage. active réelle. Oh, Il n'y en c'est a ça. pas eu. Pardon? Il n'y a pas eu de résistance active réelle. Il n'y en a pas eu. Active, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Bon, on est loin de comme Moi, les vraies résistances qu'il y a eu comme au Chili ou qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, là. Il n'y a je trouve personne qui a fait rien, là. que. Non, mais Bertol, moi, je trouve que c'est vrai qu'on n'a rien fait socialement pour bloquer ça, mais individuellement, les gens n'ont pas écouté comme ils pensaient. Puis c'est pas vrai que c'est vacciné à 90% au Québec en Non, passant, j'ai là. jamais cru ça non plus, puis ils savent que c'est pas vrai. Comprends. Mais je pense qu'ils s'attendaient à un meilleur résultat. Les Québécois, c'est ça que je disais, David, je ne sais pas si tu te souviens, les Québécois, ce que j'aime de nous comme peuple, c'est que nous, on va être moutons un bout, là. Puis à un moment donné, ça fait fuck you. Mais le fuck you, il est individuel. Je vais faire ce que je veux, c'est de la merde. Les gens Et peuvent ça, atteindre un pas point de du. saturation, mais je suis de l'avis de Berthold. Dans le fond, au niveau des calculs, t'sais, qui ont été faits avant d'implanter certaines mesures, ils savaient qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui sont déviants ou réfractaires, un peu comme une implantation de technologie. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi important dans le monde entier. C'est pas Ben, ça a ici. changé quoi? Hey, le Québec, c'est une goutte d'eau dans un bain, là. Pensez pas qu'on est important tant que ça, là. C'est mondial comme mouvement. Puis il J'ai y a eu. rien vu de significatif tant qu'à moi. Mais c'est parce que si tu t'attends à des gens qui lèvent 200 000 pour une manifestation, ça se passe plus de même. C'est ça que je veux dire. Non, C'est pas ça. non. De toute C'est que façon, une les gens disent manifestation. non. Non, je n'y vais pas. Non, j'irai pas. Non, je vais attendre. Non, je ne ferai pas ça. Il y en a plein. Ici, à Montréal, essayez de trouver quelqu'un qui a un masque d'en face qui n'a pas 75 ans et plus. Il y en a plus un hostie, même dans les hôpitaux, même dans les cliniques. Il n'y a plus personne qui porte Ben le masque. voyons, j'ai vu des manifestations de l'AFIC, puis il y a des infirmières dans la trentaine qui ont des masques d'en face pour aller manifester dehors. L'AFIC, Bertol, Ben c'est ça l'AFIC. pareil. La C'est une Fédération loi et des infirmières, loyauté. ouais. Non, mais là, je ne parle pas de mouvements syndicaux. Je te parle d'individus qui disent non, mais qui ne disent pas non publiquement en criant « c'est toi », c'est ça que je veux dire. Mais je comprends ce que tu veux dire, Mona, c'est-à-dire qu'il y a, y a des gens sur le plan individuel qui vont s'opposer, qui sont pas Ben, c'est ça. nécessairement, dans le fond, manipulés par un narratif d'un collectif, un narratif alternatif à celui officiel qui est contrôlé par ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, parce que ça peut être une initiative individuelle, mais il peut y avoir aussi un certain pourcentage d'opposition contrôlée qui est générée par des animateurs de médias qu'on dit alternatifs, mais qui cherchent à amener les gens sur une voie de garage qui ne donneront pas de résultats ou de changements au second niveau, comme par exemple les gens qui ont suivi Éric Duhaime, parce que c'est lui qui aurait permis d'être libre chez nous avec son slogan électoral. Il n'a pas livré la marchandise dans le sens que c'est pas lui qui a fait en sorte que les mesures ont tombé, là. C'est sûr, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que là, ce que moi je parle, c'est l'individu qui dit non, c'est pas le collectif. Mais la Individu qui dit non, puis ça résistance, finit par c'est... créer une résistance collective. Comment on appelle ça, là, la désobéissance civile. Mais on verra, parce que moi je pense qu'ils nous préparent un chien de notre chienne. Ils ont passé la loi, ce que les gens ignorent peut-être, je fais un petit aparté, là, mais. La loi, le ministère de la Santé a voté la loi, je ne sais pas si c'est en 2001 ou en 2011. Ils ont passé dans la loi de la santé l'obligation vaccinale pour tout le monde. Ils l'ont lors de la pandémie. Mais c'était voté en 2001 ou en 2011. Ils peuvent l'imposer, puis je pense qu'ils vont s'essayer. Et c'est là qu'on verra si la révolution tranquille 2.0 que je vous annonce au Québec depuis quelques années débarquera. On verra s'ils s'essayent. Ça Pourquoi ils sera. l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas fait lors de la première pandémie, s'ils étaient si sûrs de leur coup au Québec? C'est Parce par qu'ils ont la loi force. pour eux autres, en passant, là. Oui, mais là, ils ont vraiment agi par force. C'est comme, par exemple, la pandémie, à mes yeux, c'était pour une période. OK. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait des accalmies, puis après, ils recommençaient. Ouais, comme la fenêtre Des d'Overton, différentes là, tu sais. vagues, c'est ça. Faut que tu y ailles par coup, là. On verra. Ça Ah, va ça être peut que vous un. ayez raison, je sais pas, là. T'sais, on parle, on élabore de même, mais moi, ma perception, c'est que ça va virer assez carré à un moment donné. On verra, on verra. Peut-être je me trompe, peut-être. Si je regarde juste en Australie, la façon qu'ils ont agi, c'était pire qu'ici, là. Il n'y a pas eu de soulèvement, là. Pas de L'Australie. réel soulèvement, il y a... en Nouvelle-Zélande non plus. Non, mais c'est parce que ce que peut-être tu sais pas, c'est qu'il y a déjà des poursuites contre le gouvernement que nous, on n'a même pas ici. Si tu regardes. Ouais, mais ça, je pense pas que ça va La aboutir. Thaïlande poursuit leur gouvernement. Le Ah, Japon. ben la Thaïlande, ça c'est à part. Moi, je parle dans l'Empire. Japon, C'est il y a pas des milliers de pareil, là. morts dans le monde, Lui, il parle de Bertol. C'est l'Empire moi qui pose la britannique, mon âge. Donc, Moi, je des endroits qui parle ont été l'anglais. Je des parle colonies de d'Angleterre, l'OTAN, nous des autres, pays puis de la l'OTAN, il ne se Nouvelle-Zélande. passe rien. Nous autres, on est là-dedans, là. Tu sais, Le Québec, l'affaire qu'ils d'autres. poursuivent en Thaïlande, parce que là, la princesse est morte, puis tout, puis les Thaïlandais. Ben oui, mais là, tu sais, ça changera rien ici. Important. Peu importe la raison pour laquelle ils poursuivent, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des. Le Japon, le ministère de la Santé qui va poursuivre le gouvernement du Japon parce qu'il y a plein de morts. Ça se prépare, c'est ça que je dis. Bon, les pays de Pas l'OTAN en sûr que ça général, aboutisse. c'est Les chose. Japonais, là, sont bien mieux. Ils sont à veille d'être obligés de se reformer une armée d'offensive parce qu'ils vont se faire botter le cul si ça continue. Oui, ils n'ont pas Ça le choix. s'en vient. C'est tout pensé, Mona, dans le sens que les Japonais, ils n'auront pas le temps de faire la lumière là-dessus. Ils vont être en uniforme. On verra. Puis la menace, fais-tu allusion à la possibilité que la Chine envahisse le Japon ou c'est quoi? Ben, certaines îles, là, entre autres. Puis en plus, la Chine est alliée de la Russie, qui est l'ennemi, un des ennemis aussi traditionnellement du Japon. Les Japonais, ils ont des îles qui appartiennent traditionnellement que les Russes considèrent eux autres. Je veux dire, il y a une convergence d'intérêts. Un problème aussi entre le Vietnam et la Chine, mais le même problème avec des îles aussi. Que le Vietnam dit que c'est à eux, puis la Chine dit que c'est à eux. C'est le Ben, même tu sais, problème. Des c'est pays. comme quand il... Quand il y a eu la guerre du Vietnam, puis là, il y a des Chinois volontaires qui allaient pour se battre pour le Vietnam. Il reste que c'est des ennemis traditionnellement aussi. Ben, tu devrais écouter la nouvelle ministre du Vietnam. J'ai écouté ça. Je vous envoie ça. C'est une entrevue qui vient d'être faite. Ça fait même pas 2 semaines. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Parce que justement, là, le Vietnam, hein, c'est le seul pays qui a gagné toutes ses guerres en passant. Ben, Contre c'est les sûr. Mongols, les Chinois, contre Je les te crois. Anglais, contre les Français, puis contre les Américains. Les Mongols, Ben il y a des... même les Japonais sont essayés. Oui, c'est vrai, mon Mais chum me disait, mon chum est vietnamien, il est fier de ça. tu sais, je veux dire, les Vietnamiens, bon, quand il y a une guerre, ils creusent des trous partout, ils mettent des bambous pointus beurrés de marde dans le fond. Puis, tu sais, bon, c'est sûr, c'est un territoire qui est difficile à prendre. Peu importe comment ils s'y prennent, ils ont gagné leur guerre pareil, puis c'est le seul pays dans le monde qui a gagné toutes ces guerres. Il n'y en a pas d'autres. Les Américains, nomme-moi une guerre qu'ils ont gagnée. Ben, Dans toutes les supposément guerres la guerre d'indépendance. qu'ils ont gagnées. Ben oui. Mais leur but, c'est pas de gagner les guerres, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une façon de voir la guerre autrement, les Vietnamiens. C'est ça que j'essaie de dire. C'est une autre façon de penser qui est très intéressante, que je Une autre trouve. mentalité, mais pour ce qui est le secteur asiatique, moi j'ai l'impression que ce sera peut-être pas le Japon, mais plutôt Taïwan qui va être envahi par la Oui, Chine. mais le Japon est allié de Taïwan. Le Japon, comment? Le Japon est allié de Taïwan. Si la Chine attaque Taïwan, le Japon tombe en alerte. C'est Parce que c'est possible. à cause des Américains. En passant, les Taïwanais, là, qui se considèrent chinois, hein, c'est le gouvernement taïwanais qui est un autre gouvernement de merde. Faut comprendre ça. Moi, mais je les aime mieux pareil. Est-ce que t'aimes mieux les Taïwanais? Ben oui, parce que c'est des nationalistes. C'est un gouvernement comme la mentalité de Chiang Kai-shek. OK. Ben, parce que par rapport aux guerres qu'il y a eu en Chine, puis tout, moi, je suis pas sur le bord des. Bon. Je sais pas, la Chine, Taïwan, j'ai moins suivi que de dossiers Mais. américains parce qu'on est, il faut pas oublier que le Canada, la frontière, la plus grande frontière au monde terrestre, c'est entre le Canada et les États-Unis. Hein. Alors, puis c'est pas au Canada. Le Canada, j'ai toujours dit, quand les États-Unis ont la grippe, le Canada a chum. Alors, c'est-à-dire qu'on est lié à eux inévitablement. Alors, c'est Ben dans là, ce. on regarde la TV, là, ils nous donnent la température à Yellowknife et à Saskatoon, mais tant qu'à moi, c'est un autre pays, là, je m'en ai rien à foutre du Canada. Yellowstone, si loin. Donc, ben, tu sais, Yellowknife, puis des affaires à Vancouver, ben, je m'en fous, moi, Parce que là. Yellowstone, C'est c'est aux l'affaire. États-Unis. Ouais. Ouais, c'est aux États-Unis, Yellowstone, mais Ouais. non, je parlais Yellowknife, puis des affaires de même, c'est parce qu'on nous a mis dans la tête un grand pays d'un océan à l'autre. Mais tant qu'à moi. Tu sais, je veux dire, le Québec, bon, on est proche du Maine, mais à part ça, la frontière avec les États-Unis, je la trouve pas si grande que ça, parce que le reste de la frontière, c'est un autre pays, à mes yeux. Oui, mais moi, je fais parler des intérêts dans la position de la frontière, les intérêts des Américains versus les intérêts des Canadiens. C'est pas nous qui décidons, c'est ça que je veux dire. Mais c'est C'est. sûr que non. C'est pas Ben, plus la population américaine qui décide, à mon avis. non plus, mais pour ça, je suis la politique plus américaine, voir ce qui se passe, parce que ça m'indique qu'est-ce qui va se passer ici. C'est dans ce sens-là que je le disais. Pas moi dans mon raccoin, là. À 5 degrés? Non. Même la crise d'octobre, il n'y a eu aucune conséquence ici. La crise Moi, d'octobre, tu parles de la 1971, là? ouais. 70. Ici, tu n'as rien fait, ça. Je sais pas, j'étais tellement petite, je sais pas. Ben, mon père il était militaire dans ce temps-là. Ah oui. Mais ici, dans mon coin, il n'y a eu aucune conséquence. On n'en a rien à foutre de ça. Puis ça va être pareil le reste, là. On verra, on verra. Parce Moi, que, je veux dire, même s'il arrive, là, tout d'un coup, bon, il redéclare la loi des... Même les confinements, puis tout, tu sais, moi, je me promenais dehors, là. Moi aussi, je n'ai jamais été en confinement. Mais on J'ai aura même voulu m'arrêter peut-être... pour la police. Ils ne voulaient même pas m'arrêter. Pardon? Mais on aura peut-être bientôt des confinements climatiques. Parce qu'on Ah met oui, beaucoup ça. l'emphase sur la menace des changements climatiques. À un moment donné, j'avais interviewé Bertolt, puis tu m'avais dit qu'on ne se dirige pas vers un réchauffement climatique, mais plutôt un refroidissement. Et je suis d'accord avec lui, puis c'est ça que la science démontre. La vraie Oui. Ben, science. c'est comme ici. Essaye de rentrer ça dans la tête du monde, le réchauffement climatique. On a 2 pieds de neige, là, ici. Puis en passant, là, l'hiver débarque de bonne heure cette année pour un pays qui se réchauffe. Ouais. Caroline, on est rendu à la deuxième tempête de neige à Montréal. Là. C'est Il dès le neigeait. bénéfice. Dès le début du mois de septembre, les arbres n'avaient plus une feuille. Ben, c'est vrai, cette année, c'est arrivé très tôt. Donc, C'est est-ce que dans vous un êtes. Coin que. Donc, on se refait. Il y a une T'sais... partie du Oui, pays mais qui quelqu'un va est dire si tu fais là. des observations, Bertol, anecdotiques. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un échantillon plus représentatif de l'état météorologique mondial sur, par exemple, 100 ans ou une longue période de temps. Oui, mais ils ont Ça peut être découvert le que point. dans le temps des Romains, il y avait plus de CO2 qu'il y en a aujourd'hui, puis il n'y avait pas de char, hein, en passant. Fait que... C'est du Ben. n'importe quoi, les trucs climatiques présentement. Il y a une partie de la planète qui se réchauffe un petit peu, puis c'est 0,5, et on ne va pas mourir avec ça, là. Puis le reste, il y a l'autre partie du monde, comme le Canada, qui se refroidit en passant. Et c'est bien plus dangereux de mourir de frais que de chaud, hein, fait que... Ben là, ils ont perdu combien de récoltes à cause du froid là, cette année? C'est ça. Il a Mais on fait trop froid. continue à nous casser le cul avec les réchauffements climatiques parce que c'est le prochain dada là, de ces malades mentaux. Mais pas sûr que les gens vont embarquer là-dedans, comme dit Bertol, parce que là, c'est comme il dit, t'as de la neige, t'as 2 pieds de neige au mois d'octobre, novembre, je sais pas, là, réchauffement à mon œil. Autre, C'est pour ça que oui. ben, ça m'inquiète pas, moi, ce qui se passe aux États-Unis. Puis, ici, là, dans mon coin, ça fait depuis 1900, ça change pas, là. Ben, ce qui est inquiétant, Bertol, c'est que, tu sais, Trudeau, la FLAC, Trudeau, je veux-tu être censuré, là? Non. La FLAC, hein, la FLAC, qui est notre premier sinistre de la... Moi, je l'appelle le premier sinistre de la vie. Mais il applique tout ce que Bidon amène, tu sais, c'est ça que je veux dire, parce que le Canada est influencé solidement par... C'est dans ce sens-là, s'il change de pouvoir l'autre bord, ce que je pense qu'il va arriver en 2024 solide, d'ici 2024-25, ça va imposer aussi des changements de ce côté-ci aussi. Ça, je veux dire. Moi, je crois pas qu'il va y Ben, avoir c'est des... ça, ils iront. Et ça Non. sert. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de changement. Je veux dire, Trudeau peut endetter le Canada. Il Non, dépasse son père. Il est plus efficace que son père pour endetter le Canada, Justin c'est Trudeau. un mandat. C'est de rendre le Canada tellement dépendant économiquement qu'on va être rendu, on va être étranglés comme ça, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec nous autres. Ben, c'est vers ça qu'on se dirige, puis il n'y a pas vraiment de mouvement de révolte. Tu sais, on vit des moments de très grande inflation depuis les derniers mois. Le coût de l'habitation, de la nourriture augmente, et la classe moyenne se dégrade, le pouvoir d'achat. Puis il n'y a pas de gens qui vont manifester dans les rues par rapport à ça. On verra bien quand ils n'auront plus rien sur la table. On verra bien. On verra. T'as beau étrangler du monde, tant qu'il manque pas trop de choses, ça va bien. Mais quand tu commences à manquer de quoi sur ton steak, puis au Québec, là, pour qu'on manque des banques alimentaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une catastrophe présentement. Il y a du monde salarié qui sont dans les banques alimentaires, là. Ils n'en parlent pas à TV, là. Mais avoir faim au Québec, là, il faut le faire, OK? Il faut le faire. Mais Il y c'est en a dans les qui grandes vont villes qu'on voit si ça. au fini, il y a une manière qu'elles ne seront pas capables de manger, faites-vous sous moi qu'ils vont se relever, le monde va se lever. Regardez ça. Ben moi, les catastrophes, je la vois venir pour les grosses villes. Ben même dans une petite place, Bertol, il veut dire, ça va être difficile parce que là, il essaie, je ne sais pas jusqu'où ça peut se rendre, là, mais tu n'as plus le droit de tirer un chevreuil, tu n'as pas le droit de tirer un orignal, il essaie de désarmer le monde. T'sais, les cultures Essaye de venir désarmer le monde apparaissent ici. de plus en plus. Tu peux pas venir désarmer tout le monde ici, c'est impossible. Ça Ben, marchera j'espère. pas. J'espère. Moi, je suis bien T'sais. contente que le monde se batte. Parce que mais... L'orignal, je suis le voisin pour se nourrir. Allez-y. On va ben, le mourir de monde ici, là, certains qui chassent, c'est pas légal, puis ils s'en foutent, là. Ça a toujours été. Ben, c'est pour ça que je dis que les Québécois font ce qu'ils veulent à leur tête. C'est ça? Tu le définis de même, là. C'est ça que je veux dire. T'as Ben. beau dire, ah, pas le droit de faire ci. Les Québécois font. Hein? Ben, c'est Là-bas. comme quand Geneviève Guilbeault, elle, pendant le confinement, a dit vous n'aurez pas le droit de sortir sur le pas de votre porte pour fumer une cigarette. Oh ben, Ben, Chris. j'ai sorti tout le temps du confinement, là. T'sais, voyons, c'est pas elle qui va. Oui, puis Elle par peut la rien suite, faire, puis je voyais. quelques mois après, ben en fait, cet automne, a été pris en flagrant délit de ne pas porter la ceinture de sécurité à plusieurs reprises, puis est Madame. tellement orgueilleuse qu'elle se filmait sur les réseaux sociaux, puis il y a différentes photos d'elle qui ont circulé, alors qu'elle est supposée d'être la ministre de la Sécurité routière. Fait qu'elle Ouais. porte pas la ceinture, donc elle n'a pas un comportement exemplaire. Puis en plus, quelqu'un qui porte pas la ceinture de sécurité au Québec peut avoir une contravention. Donc, Qu'est-ce qu'elle avait inventé comme prétexte, David? T'en souviens-tu? Qu'elle n'avait pas pensé de mettre sa ceinture. Puis il y a quelqu'un qui a répondu, Madame, moi, j'ai pas besoin d'y penser de mettre ma ceinture. Ça fait des années que je la mets, puis c'est un réflexe. C'est ça, mais probablement qu'elle était trop imbue de son image, puis occupée de se regarder en train de faire ses vidéos, qu'elle a oublié ce détail-là. Puis elle disait qu'elle avait une vieille auto qui n'y avait pas d'avertissement sonore quand la ceinture n'est pas portée. Ce qui est absolument faux, hein? Parce que son véhicule, l'année, ça a été dit, ça, le véhicule qu'elle a, l'année de son véhicule, il y a des sonneries sur le véhicule pour indiquer que tu n'as pas ta ceinture. As-tu Et fait enlever la fio? pardon? Fatiguant. Elle a dû faire enlever la fuse parce qu'elle trouve. Oui, c'est ça, Elle a peut-être exact. fait enlever le fusible, mais elle qui a fait la morale aux gens pendant les périodes de confinement, elle respecte pas des règles élémentaires. Fait que là, tu vois que une personne assez frivole. La Guilbeault, en tout cas. Ouais. Mais t'as pas vu là, dernièrement, là, il n'y a même pas une Quand semaine, tu là, deviens j'ai pas une vu la. population. Excuse. Donc, ouais. Non, vas-y, Bertha, je vais après. Vas-y. Ben, quand tu domines une population, faut que tu l'humilies un peu. Donc, tu vas y mettre le nez dedans, genre, moi, je suis au-dessus des lois, mais tu peux pas le dire ouvertement de même, fait que tu le montres. Puis ils sont tous pareils. Ça fait partie de l'exercice du pouvoir. C'est une façon de dire, moi, je suis dans la clique. J'ai C'est des tout. droits que vous n'avez pas. Mais as-tu vu la campagne de vaccination, de la cinquième vaccination? T'as Legault, j'ai tellement ri. T'as Legault avec son masque, qui est en train de se faire piquer. T'as son garde du corps qui est à 3 pieds avec son masque. Puis t'as 22 personnes, dont celui qui injecte, qui n'a pas un hostie de masque dans la face, puis mettre ça dans la face du monde. On s'en va se faire vacciner. C'est un show. Je ne sais pas si le monde l'a vu, celle-là, là, mais c'est assez drôle. Il n'y a personne d'autre qui a le masque que lui, puis son garde du corps. Même pas l'injecteur avec sa tête pic-pic qui a le masque. Ben, Qu'est-ce que c'est ça? C'est un ils veulent montage. pas. Oui, c'est clair. Ben, ils veulent du monde qui sont pas rationnels. Ben là, c'est complètement irrationnel, mais tu sais, si C'est t'es assez curieux. endormi pour regarder ça, puis faire comme, oh, ouais, pas vacciné, tant pis, vas-y, ça presse, là. Débarrasse la planète, qu'on passe à autre chose. Ben, le fait que le monde accepte ça puis qu'ils ont laissé passer un paquet d'affaires, ça montre que ça marche, ces techniques-là. Oui, mais là, les gens voient moi, ce que je vois moi, c'est un petit microcosme dans mon studio. J'ai 45 Mais personnes c'est ça, qui c'est ont. parce que t'es pas représentative de l'ensemble de la population. C'est ça l'affaire. Moi, je pense que je le suis. On est 3 non vaccinés, le reste vaccinés. Moi, je parle ouvertement aux gens. Je me cache pas dans mon intimité, même si, dans le sens, je dis ce que je pense. C'est pro-choix. Je suis très, très diplomate. Mais là, les gens. Vous devriez entendre ce qu'ils me disent. Moi, je leur dis, êtes-vous allé vous faire vacciner, là, le quatrième vaccin? Non, touche pas à ça, c'est fini. Pourquoi? Ah ben Toi, là, on tu y vas. peut pas, je suis obligé de te censurer, Berthold. Pas Berthold, Mona. Non, j'ai encore dit Faut vax. pas, on donnera pas, on va aborder d'autres sujets, parce que je voulais faire la vidéo juste sur YouTube, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je pense les gens qui nous écoutent aussi, Il y a un mais... éveil. Les gens voient la maladie arriver. Les gens voient les gens tomber autour d'eux. Les gens qui sont des myocardes. Tout le paquet, là. OK? Alors, les gens, ils sont obligés de constater, là, le dégât de tout ça. Fait qu'on verra bien la campagne Ça demain. fait rien que commencer. Je suis C'est à d'accord. long terme, là. Oui. Mais les gens commencent à faire. Ils ont On peur, va là. voir, mais il est trop tard. Ben, il est trop tard Ben, pour j'en certains. connais une. C'est pas tout le monde qui a les mêmes affaires. En passant, ils ont détecté, là, Oh. ils ont démontré, hein, qu'il n'y avait pas toutes les mêmes affaires Il y a dans eu toutes toutes sortes de les années. substances expérimentales d'injecter. C'est sûr que les gens qui sont lucides vont voir les impacts concrets au cours des prochaines années, les prochains mois, et ainsi de suite. Déjà là, David, c'est ça que je Oui, dis, c'est déjà là. il y a déjà des choses, sauf que je propose qu'on n'en parle pas ouvertement présentement pour continuer à parler là, sur YouTube. Donc, Mais ils ont arrêté pareil. Ils sont moins pires là-dessus, là. L'Aster, c'est surtout si tu chiales contre les... l'alphabet. Ouais. L'alphabet au complet, là, ça, tu peux rien dire, ça. Mais il reste que, pareil, ils peuvent revenir avec ça plus tard, puis décider que... Fait que là, moi, j'ai commencé à faire du ménage, là. J'en enlève tous mes directs de 2021-2022. Je les ai tout enlevés. OK. De toute façon, ce qui est d'intéressant est archivé par d'autres. Bien, comme moi, les gens peuvent aller sur archive.org. J'ai quand même eu au-dessus de 839 enregistrements de toi qui sont disponibles. Par contre, tes lives, je ne les ai pas toutes sauvegardées, là. Je sais que Bon, ben, Supramental monsieur Alberta Primo, en a il plusieurs, a pris là, le meilleur, sur là. YouTube, là, exact. Mais vous allez avoir les gens qui écoutent le lien en bas de l'enregistrement, là. Il y en a vraiment pour plusieurs heures de Bertone, mais c'est pas Ouais. exhaustif, là, ma collection. Mais j'anticipe, tu sais, je me doute que ils peuvent me revenir plus tard avec bon, tu as dit telle affaire en 2021, puis on s'en sert là en 2024 pour te dire, ben toi. Fait que j'anticipe, je fais attention. Protéger, De juste protéger. monétiser. J'avais monétisé à un moment donné. Moi, ouais, j'anticipe, je me doute que. Ils m'ont démonétisé, mais là, à cette heure, ils m'exigent, ils veulent que je leur envoie mon assurance sociale, puis ça finit plus, là. Je dis non. Sur YouTube, ça? Ouais, YouTube. Pour remonétiser, là, ils veulent mon numéro d'assurance sociale, ce que tant que moi, ils n'ont pas d'affaire à demander ça. Plus une carte d'identité avec photo. Ils veulent que j'envoie ça par Ah, Internet. ça doit être pour éviter les Non, non, fraudes. non. C'est ça Non, l'affaire. Ils vont ouais, dire que c'est pour mais éviter les fraudes, mais c'est pour prendre contact plus peuvent avec des tellement créer de la informants. faute, ça. Ben, c'est là que j'allais en venir. C'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer ces informations-là pour te ch faire chanter ou te manipuler ou t'escroquer, peut-être C'est même. ça. Ben, c'est Des parce que ça peut être gens pourraient intercepté utiliser par ça. n'importe C'est qui ça. Des sous gens prétexte malveillants pourraient ouais, là. intercepter l'information, ouais. Ouais. Fait que, bon, je décide pour. Mais il reste que j'anticipe, puis je me doute un peu. C'est ça, parce que le narratif social évolue. Comme là, ce qui est sujet tabou, c'est de critiquer le mouvement LGBTQ+. Puis à un moment donné, ce qui va être tabou, ça va être sans doute encore plus de critiquer ceux qui sont pour la lutte au changement climatique. Les gens vont critiquer l'opération militaire russe ou la guerre en Ukraine. Ouais. Ouais. Mais on le sait que c'est comme ça qui fonctionne, fait que c'est facile à contourner, dans le fond. On n'est pas Oui. obligé de s'exposer. Qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, financièrement, moi, je ne dépends pas de ce qu'on fait. Bertol non Moi plus. non Je veux dire, à un plus. moment donné, on est mieux de se protéger si on pense qu'on peut avoir des. Moi, je dis tout le temps, il faut savoir ce qu'on contient, ce qu'on est capable de contenir. Hein, tu sais. Moi, j'ai rien à. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent me chercher. Je suis même en train de rire des fois, mais je dis, bon, ben, aller me bercer en prison, je m'en calisse. Mais c'est moi. Moi, je suis capable de contenir ça. Ça ne me dérange pas de finir ma vie sur le banc en prison. Je m'en fous. Alors, puis j'ai rien, je suis rien, je suis une pinotte. Je pense pas qu'ils vont venir me chercher, là. C'est pas dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Je Si m'en on se fous. met à agir selon des idées, d'anticiper des affaires de même, on est déjà en prison. Oui, on tisse nous-mêmes les murs de notre prison psychologique. C'est ça. Ben oui. Pour ça que moi aussi, je m'en fous, là, je veux dire, ben, je fais pas exprès, mais je vais pas me mettre à vivre selon des possibles conséquences puis à penser rien qu'à ça, là. Parce qu'en soi, on ne pourra plus parler. Ben c'est Ben, ça, c'est on fera plus l'objectif, hein? rien. C'est de nous faire taire. Fait On va que... s'auto-censurer puis on va vivre avec le flic dans la tête. Mais je voulais vous entendre parler de ce qui se passe présentement là, par rapport aux médias de masse. Je veux dire, récemment, cette année 2023, le groupe TVA congédié là, près du tiers des employés. Donc là, je vois Mona qui se réjouit. Si tu penses avoir pitié d'eux autres, oublie ça. Je te demande surtout pas d'avoir pitié d'eux autres, mais ce qui est intéressant, c'est Et en fait. d'observer le phénomène, c'est-à-dire que les médias de masse, puis je suis un petit peu d'accord avec l'analyse qu'en a faite Alexis Cossette dans un web journal, c'est un petit peu comme la vidéo cassette qui était à mode pendant une période pendant certaines décennies, où les gens, par exemple, allaient tous dans des clubs vidéo louer des films, puis aujourd'hui, il y a eu une période d'apogée, puis il y a eu un déclin. Les clubs vidéo ont fermé, puis les médias de masse, j'ai l'impression que le fait que l'auditoire est un peu partout, ces réseaux sociaux, il y a des médias alternatifs sur le web, donc puis les gens ont accès à des contenus d'un peu partout dans le monde. J'ai l'impression qu'il y a une dissolution de l'auditoire qui va faire en sorte qu'ils vont être confrontés à un déclin. Bertha. Ben, tu sais, moi, c'est ça, je me réjouissais pas de ça parce que les gens de la classe moyenne qui ont des familles, c'est eux autres qui se font renvoyer, puis toutes les vrais pourris, puis les vrais, eux autres, ils vont rester, là. Ils n'ont pas renvoyé du monde. Ils ont pas Ouais. renvoyé. Bon, Là-dessus, c'est vrai que ça atteint, mais moi, je n'ai pas d'empathie pour ces gens qui ont craché sur le dos des autres. C'est pas les... Ils viennent de perdre leur job, mais il y a plein de gens qui ont perdu leur job depuis 3 ans pour d'autres raisons, puis qui ont craché sur le monde, puis ils savaient ce qu'ils disaient que c'était des menteries. J'ai Mais pas tu sais, d'empathie pour ce genre de choses. la femme de ménage de la station de nouvelles en région, elle n'a rien fait, là. Ils Ben, je... ferment plein d'affaires que c'est du petit monde qui se font mettre dehors, puis. C'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours en bas. C'est ça, tandis que les leaders d'opinion comme Richard Martineau, inquiète-toi pas qu'il va sans doute continuer, puis il insultait les gens qui n'adhéraient pas au narratif, il les traitait de complotistes, ainsi de suite, un paquet d'injures. Ouais. Ouais. Tu as vu de quoi il avait Ben. l'air devant l'entrevue de Didier Raoult? Ah! Oui, Ah, Il je avait l'ai pas un vu petit ça. chien Ah, moi, battu. j'ai écouté si les gens, ça les intéresse, vous l'avez sur YouTube, là. Quand Didier Raoult est passé au Québec pour faire la promotion de son livre, il l'a interviewé. Puis, il n'a pas été, à mon avis, à la hauteur, dans le sens qu'il n'a pas été capable de le mettre en boîte, là. Ah ouais, mais là, Richard Martineau l'avait dit, Jacques Vergès, il se dit pas très intelligent. C'est de valeur, là, mais désolé de dire ça, mais c'est pas une lumière, Richard Non, non, Martineau, non, c'est loin d'être une lumière, je suis d'accord avec toi. tu On sais, il était peut pas être à passé la par hauteur là de avec la vue, personne. j'étais très contente de voir le petit chien battu. C'est parce qu'il a commencé bien hype, là, mené. En passant, professeur Didier Raoult, je l'ai croisé, là, c'est un homme extra, vraiment très intéressant. Il n'est pas l'image publique en passant qu'on voit de lui. Mais tu vois, ben, Martineau, j'ai l'impression que les oreilles descendaient. Là, on a un petit chien battu à la fin. Parce qu'il n'est pas capable de tenir la route avec un scientifique de haut niveau comme lui, tu sais. Mais il a essayé de le baver, je ne sais pas si vous voyez au début, là, il a essayé de Oui, il a faire essayé de le ça. mettre en boîte, de le critiquer. Professeur Sauf Didier Raoult. qu'il a le sens de la répartie, Didier Raoult. Puis, tu sais, il a son expertise quand même au niveau scientifique. Puis, à un moment donné, ben, j'ai trouvé ça bien de Richard parce qu'il a dit que il reconnaissait qu'il n'y avait pas l'expertise scientifique à comparer de l'autre, là, tu sais. Il y a Ouais, quand... il n'y avait pas le c'est ça. choix, là. Ben, sinon, il aurait encore plus mal paru. Ben là. Mais dans la conférence de Didier Raoult que j'ai assisté, il y a un point qui a amené qui était très intéressant. Saviez-vous que lui, il détient 16 000 souches différentes du dit virus? Ça vous parle-tu? Non, ben moi, je ne l'ai pas écouté, l'entrevue. Non, il ne le dit pas dans cette entrevue-là. C'est parce que j'ai été, moi, j'ai pris le temps d'aller le rencontrer lors de son passage à Montréal. Je suis allée. J'ai eu assisté aux 2 journées. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis il était là. Puis il a fait sa conférence. Puis il parlait de ça. Ça veut dire qu'il y a 16 000 mutations là, entre les mains de ce dit virus. Qu'on nommera pas le nom ici. Non, non, j'ai passé. Là, j'ai rien Parfait. dit. Excellent, excellent. Fait que c'est sûr que quand Merci de on... me rappeler à l'ordre, par exemple. Ouais, non, Là. c'est bien correct. Mais ce que ça sous-tend, c'est que quand on nous dit aujourd'hui, ah, vous avez attrapé un petit virus, ça se peut pas. Il a muté 16 000 fois minimum. C'est pas plus, parce C'est sûr que qu'ils n'ont c'est peut-être pas tout répertorié. Tu sais, c'est un work in progress, il y a tout le temps des changements à tous les jours. plus. C'est ça. Mais c'est intéressant de savoir, il y a ça entre les mains là, comme preuve. Là, tu sais, c'est pas un idiot. Puis j'ai bien aimé aussi quand il a précisé, vous savez, il dit dans les recherches, les gens, les chercheurs présentement, ils tiennent pas compte que le monde ment. Je l'ai aimé. Parce qu'il faut en tenir compte lui, il dit, faut en tenir compte dans nos recherches, parce que quand ils font des recherches, un groupe placebo, un groupe qui va faire l'expérience, les gens disent, oui, j'ai pris mes affaires, j'ai pris le traitement, mais c'est pas vrai, ils voient bien les résultats. Mais il dit qu'ils tiennent plus compte de ça dans les recherches, mais c'est important d'en tenir compte, les gens mentent. L'humanisme, l'humanité, comment ça fonctionne. J'ai trouvé très drôle. Bref, je m'arrête là. Oui, Allô? ben c'est sûr que les gens mentent. Je pense que c'est un constat qu'on fait depuis longtemps. Mais en même temps, les gens sont manipulés malgré eux, comme on le disait tantôt, en lien avec l'instruction supramentale. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, puis la plupart des gens sont ignorants de ça. Donc, ils se font mentir, puis sont la courroie, le relais de transmission de mensonges qui leur sont infusés dans le mental. Et comme ils n'ont pas nécessairement la contenance psychique pour être capable d'assumer consciemment la nature du réel qui leur est voilée, d'où vient la désinformation, ben les gens pensent que c'est eux autres qui pensent, puis ils se désinforment. Ben, tu sais, c'est comme dernièrement, bon, moi, je me fais souvent rentrer dedans par du monde, on va le dire de même, des ben, catholiques, rigides, là. Puis eux autres, la pensée vient d'ailleurs, ils viennent enragés. Ah oui. Tu vas voir, ils sont pas d'accord avec ça, plutôt. Pourtant, c'est bien écrit que ce qu'on a à combattre, c'est des intelligences, dans des lieux célestes. Ça revient à la pensée vient d'ailleurs, ça. Oui. Puis non, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils sortent comme argument? Ça m'intrigue quand tu dis s'enrage, ça les enrage. C'est quoi leur argument? C'est que je suis donc je pense donc je Ah suis. non, c'est que ça revient à des affaires de nouvel âge pour eux autres. C'est tout le. C'est tout de la merde. Le seul salut, c'est dans l'Église catholique, sa liturgie, les sacrements et remettre les messes en latin, puis tout va être réglé. C'est sûr. Oui, mais ça Ben remarque. là. Ah, ouais. Excuse-moi, c'est très drôle. Ben oui, mais c'est ça pareil. Mais c'est ça remet en question leur construction de la réalité. Puis si on part pour un catholique que l'être humain a été créé par Dieu avec un libre arbitre, mais là, ça remet en question la notion de libre arbitre qui a été donnée à l'être humain de faire le bien ou le mal. Ouais, ben là, c'est parce que c'est plus subtil que ça. Ah, C'est il ça, répond les ça. affaires-là. Qu'est-ce Non, qu'il moi, je réponds dit? ça. Okay. C'est plus eux autres qui sont simplistes, tant qu'à moi. Mais c'est sûr, parce que c'est pour. Comment je pourrais dire ça? Eux autres, c'est surtout d'avoir de la cohérence au niveau de leur doctrine, puis de s'accorder avec ça, puis ça simplifie tout. Hein? Parce que tout devient polarisé, puis lui, il va aller en enfer, lui, il va aller au ciel, les autres, c'est ça. Fait que, mais il reste, c'est jamais si simple que ça, là. Ouais, c'est ce C'est que de je belles pense. valeurs. Pas mal plus. Il me semble que 256 tons gris seraient applicables ici. C'est pas noir et blanc. Mais les gens qui sont très dogmatiques ont rarement des arguments très percutants. Hein? Ouais, puis c'est long avant qu'ils viennent parce qu'il faut qu'ils réfléchissent puis qu'ils pensent. C'est ça. Oui, La la spontanéité. spontanéité, là. On repassera. Ouais, puis d'ailleurs, ils sont pas forts sur. Tu sais, il y en a qui voudraient que. Bon, il y en a une couple qui voudrait qu'avec certains, que j'aille des directs avec, tu sais, que. Non. Mais ils accepteront pas, là. Ben moi, je serais Mais non. curieux de voir Bertha avec le docteur Pierre Gilbert, spécialiste en eschatologie au Québec, Ouais, mais là. lui, c'est pas un catholique, fait qu'il est moins agressif. Ouais, il C'est y un a une différence chrétien. entre les catholiques puis les chrétiens, là, les christiques. Il est pentecôtiste, si je ne me trompe pas, ou évangéliste? Non, Non, les non, Dr. pentecôtistes. Gilbert, c'est un chrétien évangélique. OK, Évangéliste. évangéliste, ouais. Ouais. Je connais pas bien ces religions, toutes les dimensions, ces dimensions-là. J'ai jamais étudié ça. Ça m'intéresse absolument pas, Ah, oh, ben, mais. je te comprends. Par contre, là, présentement, ce qui se passe en Israël, il a été interviewé récemment avec Daniel Pilon, puis là, il présentait une lecture eschatologique en lien avec, entre autres, le Premier Testament de la Bible, puis le peuple d'Israël, puis là, il faisait des liens. Fait que là, le contexte est comme propice par rapport à son interprétation de la nature des événements en cours, là, au niveau eschatologique. Mais c'est pas nécessairement la grille d'analyse que je vais privilégier. T'sais. Je vais regarder ça froidement, par exemple, avec la théorie des jeux, ou regarder avantages et inconvénients des parties impliquées là, par rapport au conflit présent, là, tout simplement. Là. Mais moi, la question que je me pose, c'est sachant que tout le monde ment, que tout le monde manipule, puis qu'on s'amuse à charrier tout le monde, comment on peut croire que ces livres-là ont été écrits tels qu'on les lit, là? Ben, il Bon, faut moi, pas je ne crois pas à croire ça. ça. Hein? Moi, c'est la vibration d'un texte. C'est Ouais, quoi en OK. arrière de la forme qui m'interpelle? Je m'en fous que ce OK. soit Pierre-Jean-Jacques ou. Non, non, je ne dis pas que toi, tu es comme ça, mais ce que je dis, c'est que déjà, de lire ces livres-là, il faut avoir un recul, dire, ben, ça a été écrit par des humains, hein, pas ça. Hein? On sait c'est quoi l'humain un peu, Mais là, la pensée vient d'ailleurs. mais. Oui, c'est ça. Il se Mais passe plein ce que je d'affaires veux dire, pour les c'est humains. en ce qui a été peut-être vu, je pense à la. Je ne suis pas très bonne, là, je ne devrais pas parler de ça, mais ce que j'ai pu lire de la Bible, tu sais, racontait l'histoire de la vie de Jésus, même ça, moi, jeune, même à 15 ans, je me disais, ouais, mais c'est écrit par qui, ça, là? C'est intéressant comme histoire, mais est-ce que c'est vraiment l'histoire qui s'est passée? Ça, c'est une autre histoire. Ils ont tellement manipulé l'information depuis des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années qu'ils nous mentent. Ça passait bien d'ailleurs, puis qu'on est char... Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Là. On est charriés, puis ils nous envoient toutes sortes d'informations qu'on applique. Imaginez que c'est tout ce qui a été dit est presque totalement faux, dans le fond. Ben, c'est sûr qu'il y a Là. beaucoup. Aussi. Parce que toi, Bertol, tu es plus Oui. subtil, tu vas aller derrière la forme, comme tu dis, mais là, Bon, c'est pas souvent, ce que c'est les la chrétiens forme qui. font. En arrière, d'habitude, c'est pas si pire, là, mais c'est souvent de la forme, ben, justement, avec toutes les versions différentes qu'il y a. Des fois, juste un mot, ça change tout le sens. C'est ça, je veux dire, à qui se fier. C'est difficile, tu as rien que parler l'autre fois de la Genèse du réel de Bernard, qui est en format PDF, qui correspond pas à ta page 221, tu m'as tellement fait rire. Mais non, mais c'est Je pertinent. sais de quoi il parle. Imagine, c'est juste, ça fait rien que 40 ans qu'il est écrit, là. Imagine dans 2000 ans, quoi que ça va avoir l'air, cette affaire-là, quand c'est déjà Ça va être transformé, encore là. plus déformé, un peu comme l'instruction du Christ 2000 ans après sa venue sur Terre. C'est ça, pour ça, je dis, j'ai de la misère à embarquer dans les études de ces choses-là. Je me dis, Colin, mais je peux y aller sa vibration comme Bertol, ce serait plus intéressant, mais ça m'intéresse pas d'étudier les religions, c'est pas pareil. Ben, mais la Bible, c'est pas une religion, là. Non, non, non, pas. Mais là, on parlait de catholique et Mais tout c'est le ça. fondement Ouais, ben là, eux autres, de je la suis pas rien religion qu'eux autres. catholique. Ouais. J'ai C'est pas le autre choix chose. de les étudier. Mais moi, j'ai lu le Coran. Ça m'intriguait. Fallait que je lise le Coran. Puis Ah, j'étais. mais tu l'as pas lu en arabe. Non, je n'ai pas lu en arabe. Je C'est une me suis traduction. pogné, toi, des musulmans, disant, faut que tu connaisses l'arabe. Oh. Hey, là, s'il vous plaît, là. À un moment donné, là. Oh, Mais c'est ça, parce c'est que parce le passage qu'ils d'une langue à veulent. l'autre, il y a peut-être des termes qui se traduisent mal. C'est un petit peu comme le français par rapport à l'hébreu ou d'autres langues. En tout cas, on Ouais, comprend mais. l'idée que c'est manipulé. Hein, fait que... Toute information, toute forme est manipulée, Toutes les puis questions ont été manipulable écrites, Bertol. d'intitude. Excuse, David, je te Oui? coupe, mais j'ai une question qui me vient. J'ai le goût d'entendre Bertol. Pourquoi si la pensée vient d'ailleurs, puis qu'on, tu sais, c'est un show, qu'on se tape, là, pourquoi ils ont créé religion? C'était quoi l'idée? J'ai une petite idée, mais j'aimerais C'était, t'aider. c'est justement, c'est pour téléguider le monde. Donc, c'était-tu pour regrouper des. Tu sais, avant que les religions monolithiques qu'on connaît présentement, avant ça, comme les gens étaient différentes croyances et tout, c'est-tu dans le but de créer des égrégores plus forts ou des groupes plus réunis pour. Moi, mes yeux, c'est de créer de l'expérience, de l'expérimental, puis qu'on foutu, c'est une façon de gérer le monde, tant qu'à moi. Plus Ben, facile à pourquoi qu'il y a des gérer. religions? Ouais, je comprends. Parce qu'on se fait gérer, puis qu'il y a des destinées collectives. Là, à un moment donné, c'est comme moi, en tout cas, quand je regarde l'histoire, on dirait à un moment donné, là, en Occident, c'est comme la noirceur, on dirait. Mais en même temps, là, tout d'un coup, les Arabes sont bien brillants. D'après, les Arabes tombent comme dans une espèce de noirceur. Hop, là, tout d'un coup, c'est plus lumineux un peu. Puis on dirait que ça alterne de même. OK. Toujours juste la gestion là-dedans. Mais tu sais, c'est comme les croyances, c'est juste pour te faire aller où ça Ouais, c'est parce que je voyais comme un mouvement veut de t'aider. la croyance, mais ils ont comme regroupé la population du monde sur trois, quatre grandes religions, contrairement à énormément de croyances athées, pas athées, mais comment on appelle ça? En Afrique, là, le gris. Là, Animiste, c'est quoi le j'entends nom mal parce que pour. ça coupe, là. Ah, ça coupe. Moi, en Afrique, d'habitude, c'est des. Ouais, ça a coupé un peu, j'ai mal compris. Mais en Afrique, ouais, d'habitude, c'est des religions. C'est même pas des religions, dans le fond, là. Non, c'est ça. Avant la création des religions, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient des croyances très diversifiées puis très, très, très, très multiples. On le voit Ils se encore en regroupaient toutes. Afrique. Hein? Et ça se regroupait tout dans le sens que les animistes africains, s'il y L'animiste. a moi, s'il y a un sorcier en Afrique qui rencontre qui Ça voit coupe. égorger un coq, il va comprendre ce qu'il fait. Je veux M'excuse, dire, ça se Bertol, regroupe pareil. ta ligne coupe beaucoup. J'ai pas Ouais. compris. Ben, moi, tout, ça coupe beaucoup. Bon, ben, si on regarde là, les vieilles affaires dans le paléolithique, puis tout, il reste que c'est toute la même affaire, parce que si tu prends un sorcier africain, puis tu l'amènes voir un chaman en Asie, puis ils se regardent les deux travailler, ils vont comprendre ce qu'ils font, là.

Ça, c'est parce qu'on m'a ressorti un extrait comme quoi que dans le fond, Bernard, ce qu'il dit, ça ressemble à ce que Raël il dit. Donc, Bernard, ça doit être un manger de marde. C'est ça les arguments que j'ai été confronté. Genre d'amalgame assez très assez ordinaire. Tout a Là. été rigoureux parce que t'as sorti le livre de la Genèse du réel, puis Ben t'as là, je montré ça comprenais dans pas ta parce que quand vidéo. j'ai vu la page qui était citée, je vais aller voir. Là, je regarde ça. Puis, mais il m'est jamais venu à l'idée que c'était un PDF. J'ai pas pensé. OK. Mais tu m'as fait allumer parce que moi, j'ai le PDF, j'ai passé ma Genèse du réel à quelqu'un, puis j'ai comparé après, puis j'ai dit, mais il y a raison, c'est trop réel. Ben, il y a Mais plusieurs bon. versions en PDF aussi. Ouais, ben là, c'est parce que c'est à cause du format. Fait que là, dans le fond, ça tombe, c'est la page 226 que cette phrase-là qui m'avait cité. Mais il reste que, ben franchement, Bernard, il a parlé, tu sais, comme la Genèse du réel, il l'a pas écrit comme l'autre, il me questionnait, il dit, y a-tu vraiment, c'est lui ou c'est pas lui qui a écrit ça? Ben là, premièrement, ça a été parlé librement dans un état différé de conscience, puis après, ça a été transcrit. Puis, en tout cas, moi, tu sais, je veux dire, ça change rien à Bernard, là, tant qu'à moi, là. Même si je Mais trouvais un c'est. extrait, il y a quelqu'un qui me répond, oh, il paraît que Bernard, il a été dit que telle affaire, puis telle affaire, puis ça n'a pas de bon sens. Oui, ça se peut qu'il ait dit de temps en temps des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Bernard est le seul qui a descendu l'astral dans le fond de la boîte à cul. Toutes les autres qui parlent de l'occulte ont encensé l'astral. Bon, ça, c'est vrai. Bernard, il a inversé le plan. Pouf! Il les a plantés dans la marde. Puis c'est pour ça que les gens. Puis c'est pour ça que j'ai aimé Bernard, moi, à l'époque, parce que je disais que j'ai jamais entendu parler quelqu'un de descendre, d'aplatir toute l'astralité qui nous avait, en tout cas, été mon spiritualité, les religions, tout ça. C'est le seul qui a osé, qui a été capable de descendre quelque chose qui avait À ce été point-là, en inversé. tout cas, c'est peut-être pour ça que l'astral, il se défend, justement. Pardon? À peu près, c'est pour ça aussi que ça se défend. Oui, exactement. Parce que ces attaques-là, moi, c'est bien de valeur, mais c'est l'eau astrale des religions organisées, puis des doctrines, puis des croyances qui vient attaquer Bernard, parce que justement, il les a attaqués dans le passé, mais la personne n'est pas consciente de ça. Exactement ça, totalement, c'est T'sais, ça. moi, je le vois tout ça dans le même, mais il reste, je peux même pas y expliquer ça. Non, t'es pogné pour garder ça pour toi. Ben oui, c'est de la mémoire qui se défend. Moi, je ne vais pas me battre avec ça, je vais la nourrir. Ça me Ben tente oui, pas. ça peut avoir des impacts. Puis oui, tu as raison, mais. Ben, celui-là, en particulier, à un moment donné, j'en parlais dans un direct, puis ça fait longtemps, ça fait 3 ans de ça. Puis je parlais de cet individu-là en particulier. Puis il t'a retenti un coup dans un mur ici, derrière une armoire de métal. Puis ça n'a jamais refait ça, là. Il Mais y a c'était des. un peu fort, là. Qu'est-ce Ben, que ça te dit? Tu as dit, ben là, il faut que je parle plus de ça, c'est ça que ça te dit? non, j'ai juste trouvé ça comique. Je disais, eh ben. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des rapports énergétiques occultes. Il y a des attaques, il y a des contre-attaques. Mais présentement, là, ce qui s'est passé avec la sortie des enregistrements de Bernard cette année, ben moi, je Ça vois va ça comme frapper une. Comment? fort. Ça va frapper fort. Ben là, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des réactions énergétiques dans les prochains mois. Tu sais, c'est un peu un processus comme, par exemple, une réaction en chaîne. Prenons par exemple la fission de l'atome, où tu as une réaction dans une centrale nucléaire que finalement il y a un enchaînement qui occasionne de la chaleur. Bon, mais moi je vois ça un petit peu là, comme étant un élément catalyseur, ces enregistrements-là, pour amener une espèce de réaction en chaîne sur la Terre où il n'y aura pas une chaleur, mais un changement vibratoire au sein des gens qui vont être exposés à ça, là. Ouais, moi, je parie pas là-dessus. On verra. C'est ça. C'est sûr que ça brasse l'astral. Est-ce que ça. Tu sais, est-ce que quelles conséquences ça va avoir sur la planète, je ne sais pas. Mais Mais je peux tout te est conter une anecdote interrelié. là-dessus il y Oui, a vas-y. 3 ans à peu près. Oui, David? Je voulais dire, tout est interrelié. Fait que pour moi, il va y avoir des impacts au niveau de l'astral puis du physique qui est lié à l'astral. Mais je vais te laisser raconter ton anecdote. Ben, ça n'a pas rapport dans le sens de comme avec Bernard, mais individuellement, c'est une job qu'on a à faire aussi, c'est de faire face à l'astral. L'entité maîtresse, on a toute une entité maîtresse qui nous drive. Il y a quelques années, il y a 2, 3 ans de ça, j'ai eu un rêve où j'ai dû rentrer dans mon rêve lucidement parce que je rêvais qu'il y avait l'entité maîtresse. En passant, j'avais très mal au dos, puis c'est relié à ça, là. L'entité maîtresse se présente dans mon rêve, puis elle veut m'arracher les intestins. Mais moi, je savais que j'avais une entité collée dans le dos depuis longtemps, lucidement, là, mais que je n'étais pas capable de la dégager. Dans mon rêve, je l'ai dans la face. Puis là, elle vient pour me. Je rentre dans mon rêve consciemment. Puis le fait que je la vois, là, d'un coup, je vois qu'il y a comme. Ils ont peur de nous en passant. Puis là, j'entends, elle me voit. Puis là, je la regarde, je suis fait, viens, ma tabarnak. J'ai fait un combat d'enfer dans ce rêve-là, lucide. J'ai sacré une volée. Depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème. Puis mon dos se répare depuis. C'est presque terminé, là. J'en viens à bout. C'est le même genre de combat avec l'astral que Bernard faisait, mais collectif, c'est ça que je veux dire, dans le sens, nous, on le fait individuellement, on a un face-à-face à faire avec notre astralité ou qui nous domine. Puis Bernard, il a amené ça beaucoup plus large, dans le sens, il attaquait l'astral au complet, là, tu sais, c'est pas un mandat que j'aurais aimé avoir, merci, là, ça devait être un nasty job de fou. Oui, parce qu'il était confronté à des oppositions inversement proportionnelles. C'est comme C'est ça. quelqu'un qui va Exact. au front pour faire la guerre, quand même que la personne, c'est Rambo, puis il y a une mitraillette, puis il est capable d'en neutraliser plusieurs. Ben, je veux dire, s'il s'attaque à une armée, ça en demande en maudit de l'énergie. Ouais, mais quand Berthold parle des religions puis qui expose son point de vue, ça a un peu le même impact aussi sur les religieux. Le retour d'onde de ça peut être assez intense. Ah, pour eux autres, moi je pense que c'est parce qu'ils vont dire comme Bernard, il était luciférien dans le fond. Ce qui se tient absolument pas. Bon, ça vient de figer. Allô? Non, ça fonctionne toujours. Je Il t'entends très bien, mais on a des interférences depuis tantôt. Ouais, ben c'est ça, ben va falloir que j'arrête. C'est ça, moi c'est surtout cette affaire-là, c'est qu'il y a une inversion, là. Ça marche Tu par disais, Bernard, inversion. c'est rien, c'est les gens disent ça, c'est ça que tu disais. Oui. Pour eux autres, Bon. Bernard, c'est satanique, là, puis ça va mener en enfer, ça. Ben, tant mieux. Okay. Il y aura un enfer tout de suite. Ben, moi, quelque part. Dans Wikipédia, il passe pour un terroriste. Qui Je ça? pense que Bernard, dans Wikipédia, il est identifié comme un terroriste. Il y a même pas de page Wikipédia. Il y en a déjà eu une. Puis les gens qui avaient fait qu'il soit sur Wikipédia, il y en a une en anglais. Mais en français, il arrive du monde de certains groupes initiatiques, on dirait, là, semble-t-il, ils veulent pas que Bernard soit sur Wikipédia francophone. Bernard, là, j'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi haï par les sociétés initiatiques puis qui est aussi traîné dans la boîte par les gens qui sont dans Rose-Croix et ces affaires-là. J'ai jamais vu ça. Si Ça nous Bernard, donne il une est si idée que luciférien que ça. Ben, Mais en tout cas, ça il nous donne dérange pas à peu l'idée près. il a mis le doigt sur la bonne chose. Ah, il l'aime vraiment pas. Puis bon, on a des ésotéristes, ils vont comparer Bernard comme s'il en faisait l'éloge, mais dans le fond, c'est le dessin. Ils vont le comparer à Jim Jones, à David Koresh, à Luc Jouret. Puis ça a tellement pas d'allure. Mais c'est comme s'il avait un job de le salir le plus possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je le vois même chez les individus aussi, puis il y a des regroupements sûrement. Mais ça. Est confronté à des forces d'opposition. C'est sûr qu'en amenant une idée nouvelle, c'est toujours ce qui est ancien, mémoriel, astral, qui va être en réaction. Donc, moi, c'est sûr que ça me surprend pas. Tu sais, c'est. Monde de l'astral, il se nourrit de notre. Tu sais, Bernard, quand. On devient. En tout cas, Bernard, il a amené des principes que si tu les appliques puis tu arrives à travailler avec ce qu'il dit, ta compréhension de ces principes, ça libère beaucoup de l'astralité, justement. Mais c'est un monde vivant, en passant, le monde astral, là. Ça mange nos émotions comme nous, on mange du Big Mac, là. C'est leur Ah nourriture. Il oui. faut comprendre ça. C'est important de comprendre que l'astral se nourrit de nous, puis qu'il faut aussi, quand tu dégages ces affaires-là, il faut les éduquer. C'est à nous de les éduquer maintenant, Ok, toi, d'aller qu'est-ce que t'en ailleurs. penses, donc, Bertol, éduquer l'astral ou éduquer les morts? Ben moi, j'éduque mon entité de sacré le cœur. Quand je me fais ramasser, je dis avec des calices, il y a du monde à manger, là, tu peux aller voir ailleurs, puis ça marche, hein?

Mais moi, j'accepte ça. J'ai toujours été capable d'accepter ça des gens différents. C'est les gens qui ne m'acceptaient pas qui me faisaient chier. La différence. Je suis sûre que Bertolt était capable d'accepter. Puis toi, David, plein de gens autour de toi avec Oui. des différences. Mais c'est les gens qui sont pas capables d'accepter des différences qui nous font Des fois, la vie dure un peu. moi, il y a des petits. Ça arrive des fois qu'il y a des malentendus autour. C'est Mais sûr. ça se passe bien parce qu'ils ont peur. Mais là, ils ont peur de qui? Ils ont Peur de peur de moi. Ah, ben là. Ben, tu sais, c'est comme une de mes tantes, elle pétait des coches à du monde de Vidéotron, puis tout. Puis elle dit, ben après, il était pire encore, puis tout. Puis je dis, c'est drôle, moi, je pète une coche une fois, puis tout va bien. Mais c'est parce que là, Mais ça, c'est cette parce voix, c'est qu'ils une pensent que colère je suis un fou. émotionnelle ou une colère supramentale vibratoire. C'est ce que j'appelle avoir de l'autorité, ça. Ouais, ben c'est Quand surtout que. on a de l'autorité, la colère n'est pas nécessaire trop longtemps parce que l'autre le perçoit très clairement que ça bouge pas, là. Je fais pas une colère de l'enfer, là. Non. Mais ils sont tellement dans l'inconnu avec moi. D'habitude, bon, je vois les voix. Juste le fait que je cogne à une porte, puis là, ils me voient, et puis ils se demandent ce que je fais là. Puis là, je leur explique, je dis, ouais, ben là, telle affaire, ça nuit à tout le monde. Puis là, oui, puis c'est fini après. Mais c'est parce qu'ils savent pas quoi ils ont à faire. Le monde a peur de l'inconnu. Puis moi, j'ai l'air bête, je parle pas à personne. Si tu me parles pas, puis là, tout d'un coup, je suis là, puis je vais te voir, puis je te parle. Il reste Il reste surpris de surpris, qu'est-ce qu'il ouais. veut. Tu vis dans une petite place, toi, en plus, les gens te connaissent, Ben là. oui. Puis il y a personne, tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème avec personne, là. Vraiment pas. tant mieux. C'est Ben. ça, pour moi, ça, c'est quelqu'un qui vit de l'intelligence, il n'est pas en conflit avec son environnement, en Ben, il principe. cherche pas à être en conflit avec son environnement, mais malgré lui. La vibration qui peut dégager peut amener des oppositions astrales, comme tu es confronté des fois avec tes interlocuteurs là, dans le live ou Ouais, à mais travers lui, les il est messages. loin, là. C'est Oui, pas je sais, mais il est proche de toi psychiquement maudit, parce que si la même personne en revient plusieurs fois vers toi, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui crée le pont entre les deux, là, dans le sens que. ben, je vais tout le temps être attaqué par du monde que j'aime. Ah oui. Ouais. Du monde que je respecte, du monde que j'aime, du monde que je suis d'accord avec le trois quarts. Puis souvent, ben, je me rends compte, eux autres, c'est pas qu'ils me respectent pas ou qu'ils m'aiment pas, mais ils comprennent pas ce que je dis dans le fond, puis ils voient pas qu'on est d'accord dans le fond. Il y a un blocage par rapport à la forme, puis accroche. Fait que. Ah, merci, tu viens de m'expliquer quelque chose que je comprenais pas de mon chum. Toi. Merci. Oh! Comment? Je viens de comprendre quelque chose. Non, mais tu Ben, viens, je suis même pas capable de le répéter, mais je viens de saisir pourquoi mon chum, il botte. Des fois, je dis, mais on dit la même chose, t'entends pas? Puis il l'entend pas. Je suis obligée de prendre beaucoup de temps parce que des fois, je dis quelque chose, puis là, il va dire, il a bloqué. Là, il dit autre chose dans sa tête, il pense qu'il dit autre chose, mais j'ai dit, taille, tu dis la même chose que moi autrement. moi, c'est comme ça accroche à la forme. Ouais. Mais Un c'est juste décalage de le fait que. Mais perception. souvent, ouais, je vais être atteint. C'est le monde qui sont le plus enragé après moi. Souvent, c'est du monde que j'aime beaucoup. Puis que j'apprécie. Puis eux autres, ils vont être attirés à venir. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un jeu de sympathie pareil. Mais comme on n'est pas d'accord au niveau de la forme, les autres, la mise en vibration, ça va être de venir masticoter. Ben, il y en a Mais qui c'est se nourrissent des comme. oppositions, c'est ça le paradoxe. Ben, c'est comme quand j'allais à l'école, puis que les petites filles m'agaçaient, puis je comprenais pas pourquoi, c'est parce qu'ils m'aimaient. Ah oui. Effectivement, Ben on confirme pour les petites filles qui t'attaquent un petit gosse parce qu'on le trouve cute. là, ils s'accumulent de l'énergie, puis ils veulent entrer en relation. Mais là, au niveau psychologique, au niveau des formes, puis de paquets d'affaires, ça marche pas. Fait que ça va prendre ce petit aspect-là. Ben, c'est des moyens détournés. T'sais, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, l'énergie se transforme. Ouais. C'est qui dit deux personnes qui sont en train de s'entretuer dans un champ vu de bien loin doivent avoir l'air de bien s'amuser. C'est vrai, vu de même. À 40 000 pieds en haut, hein, j'avais deux amis qui s'associent. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça doit être de la danse sociale. Une petite danse sociale, là, puis ils sont en train de se tuer.

Il était initié. Pour que c'est pas de prétention, c'est une réalité. Ouais, mais c'est ça, mais dans l'esprit des gens, être un initié, c'est un peu comme être le Messie, ou il y a une fascination derrière ça, comme Justement, un la notion prophète. de Messie, ça n'a rien à voir avec un initié. Je sais, C'est le mais. nouvel âge qu'ils ont fait des Nazaréens, Un le grec anagramme comme ça initié. qui ne veut rien dire, c'est ça que ça veut dire. Je sais, mais dans la mentalité populaire, les gens vont confondre les termes. T'sais, ils vont dire, bon, Ben, il c'est y a pour eu ça Jésus. justement qu'il fallait que ça finisse de même. Ça a dû être un méchant choc pour ben du monde qui pogne le cancer, c'est sûr. Je te le garantis, je te le dis, j'étais là, je vous le dis, je Mais l'ai vu ça peut comment que ça être une fait sur les temps. confirmation pour, comme certains séminaristes qui m'avaient dit, à un moment donné, j'ai discuté avec Daniel Ménard, qui m'avait dit que le fait qu'il dépérissait justement du cancer, mais qu'il était encore lucide dans les derniers jours, ce qui donnait des conférences, était pour lui la confirmation que l'esprit était plus fort que la matière, de ce que j'ai compris que m'avait dit Daniel Ménard par rapport à Ben Bernard de ouais, Montréal. mais si t'as un cancer puis que t'es pas bourré de morphine pis de ça et tout, tu vas être lucide, là. C'est ça, il était lucide, c'était pour ça qu'il C'est refusait. Ben, juste que on vit d'une société que le monde meurt pas à jeun, jamais. et ça, il te pique pour t'euthanasier maintenant, là. Mais mourir lucide, c'est le message qui nous passait en faisant ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut mourir lucide parce que sinon tu retournes à Madrid. C'est compliqué. Ah oui, il l'avait dit, il dit, ben, un des buts, là, si vous voulez que ce soit la dernière fois, il faut mourir conscient. Conscient. Mais le prix à payer est élevé, parce que c'est sûr qu'on s'entend, quelqu'un qui est atteint d'un cancer d'une phase terminale, où ce que la personne sent gruger de l'intérieur de l'intestin, ou que la personne n'est plus capable de déféquer, ou tu sais, à un moment donné, parce que mon père il est décédé du cancer, puis à un moment donné, ça a bouché. Fait que là, je veux dire, ce qui descend pas, on ressort par la bouche. Fait que soit qu'il mange plus ou qu'il y a un tube qui est mis nasopharyngé pour récupérer ce qu'il a mangé. C'est bien, tu sais, je veux dire, dans le fond, des morts tous, il n'y en a pas vraiment. À moins que ça soit, même là, tu sais, mon arrière-grand-père, il est mort, il est en train de pourrir vivant dans son lit, là. Puis tellement que les enfants dans la maison, ils n'étaient pas capables de manger. Puis c'est sa fille, ma grand-mère, qui en a eu soin. Ça Puis sent. même là, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas. Puis il est en train de pourrir vivant. Là. Lui, l'appareil digestif, il sortait par le trou de cul. Là. Oh. Puis ça a été vraiment l'enfer pour tant que ça pour lui. C'est sûr, ça a été l'enfer pour lui, mais je parle pour toute la famille. Mais moi, je trouve que Puis. contenir la souffrance, parce que là, ce qu'on touche, c'est la souffrance du corps physique, hein? Oui. Ouais, mais c'est une incidence psychologique. Oui, tout à fait, mais le point que je veux vous rapporter, je trouve que de plus en plus, on a une incapacité à contenir, ben, je parle de général, là, pas d'individu. C'est ça qu'on voit de plus en plus, là. Regarde, le wokisme, c'est ça, il ne faut plus souffrir. C'est juste le désir, puis de se faire plaisir, puis des baninous, puis oh, t'es donc belle, puis fine, Ouais. vu, oh, tu as le goût d'être frappé dans le ménard. Ben, c'est parce que ça va amener quoi? Ça va amener de la souffrance. Oui, puis de l'incontinence, incapacité de contenir quoi que ce soit. Quoi que ce soit, imagine la mort avec une maladie qui est souffrante, c'est sûr que tu vas te faire euthanasier. Ou bien, là, c'est rendu qu'on peut se faire euthanasier si on n'a plus de. Tu peux te dire, ah, moi, j'ai une fin de vie, c'est fini, OK, je ne vais plus souffrir, faites-moi mourir. Hey, ça, c'est de la matrice en action. Ben, l'aide médicale à mourir est en train de s'élargir présentement. Ça. Puis, avec, dans le fond, la crise des opiacés, qui est en lien avec le fait que, dans le fond, tu sais, j'écoutais, il y a sur Netflix, en lien avec le cossin, je ne me rappelle pas, je le prononce comme faux, là. OxyContin. L'oxycontin, pardon. Bon. Quand il y a eu cette crise dans les années 90, ça a donné l'idée de faire une télésérie en plusieurs épisodes où ce qu'on voit tous les ravages, dans le fond, que ça a été amené à la population, puis c'était supposé de soulager la douleur, puis finalement, ben, des gens sont devenus accros par rapport à ça, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des morts. Et puis, en lien avec cette présentation-là de ce produit, l'idée, c'était de neutraliser la douleur. Puis au début, Les opiacés, c'était pour des gens en phase terminale de cancer. Puis là, à un moment donné, ben, c'était n'importe qui avait valu, qui avait un peu mal. Puis on voulait généraliser ça à tout le monde pour élargir les marchés, pour faire plus en plus d'argent en vendant le produit, pour avoir plus en plus de clientèle. Ben, c'est des pushers, dans le fond, là. C'est ça, les pushers. Hein? Tu sais, gars, Ginette Renaud a chanté pour les Hells, puis Laster avant son livre, dirait que je suis le pusher à la pharmacie. Moi, je vois ça de même. C'est pas parce qu'elle fait des chapelets qu'elle est intelligente. Tu sais, l'affaire, là, c'est que, dans le fond, regarde l'aide médicale à mourir. Le but, là, ultime, là, vers où ça risque d'y aller, puis même si ça prend 100 ans, il y en a, c'est ça qu'ils veulent, c'est que l'aide médicale à mourir, ben, à un moment donné, ça va être le gouvernement qui va arriver, va dire, toi, tu meurs. Assez, là. Il y a un film là, avec un temps de vie. Il n'y a pas un film qui a été fait lorsque tu as un temps de vie. Ah, oh, terminé, bye. Ben, je pense qu'il y en a un, là. Hein. En tout cas. Ben, il y a un film sur Netflix qui est très intéressant par rapport à ça. C'est l'idée que quelqu'un peut vendre du temps de vie à une autre personne pour faire de l'argent. C'est dans ce film-là, il me semble. En tout cas, je ne me rappelle pas du tout. Franchement. Ça, parce Oh que, oui. ben, ça l'explique. Mais en 1985, quand j'ai eu mon accident d'auto, là, puis j'ai été de plein fouet magané, qu'est-ce qu'on m'a offert comme solution? Du Dilaudid à diffusion lente toute ma vie à 25 ans. Voyons donc. Pas de blague. À prescription ouverte à vie. J'aurais pu me mettre riche avant de ça, moi, là, là. C'est parce qu'à un moment donné, même, tu n'as plus de douleur, mais tu t'en rends pas compte parce que finalement, tu continues à le prendre parce que quand tu l'arrêtes, ben, tu as des douleurs du manque, dans le fond. Ouais. Mais Fait moi, que j'ai tu refusé. deviens. Ben là, c'est comme. Quand je vois les. Il y a certains types de diabète, ça se guérit, là. Mais ils n'en parlent pas parce qu'ils veulent te vendre des médicaments pour le reste de ta Ben vie. oui, puis ça crée quelqu'un qui est abonné, quelqu'un qui à Ben. chaque mois prend de la médication, rien que le diabète à vie, mais c'est comme quelqu'un qui est abonné au câble ou à Internet. C'est une source permanente de revenus. Surtout le diabète de type 2, là, ça se corrige assez facilement quand il est détecté. Puis c'est la plus grosse partie des diabétiques qui sont de type 2. Puis ça se corrige très facilement si tu le prends au début. Puis c'est juste de changer ta façon de manger, hein, pour... Ben, c'est plein de diabétiques, ils ont tout le temps au McDonald's, ils boivent du Coke Diète, puis envoyez donc. Chonnerie, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est un peu comme l'affaire qu'on parlait tout à l'heure, la fenêtre puis les mouches. Moi, je peux pas penser à les places. Ben, Mais non. voir, dans le fond. Puis comme ils ne voient pas, puis il n'y a pas personne qui compense, ben c'est un cercle vicieux parce qu'ils vont plus s'enliser dans la problématique. Quelqu'un qui est diabétique, puis il ne voit pas que le sucre, c'est un problème, ben il va continuer à en prendre, puis ça va se dégrader de plus en plus avec le temps. C'est ça. Mais c'est une catastrophe, le diabète de type 2 dans nos sociétés. C'est rendu une personne sur deux à 50 ans, de diabète de type 2. C'est pas fini avec les jeunes qui passent leur temps devant les ordinateurs, puis les téléphones intelligents, puis ils font pas de sport ou peu. Ben ça fera pas nécessairement des gens qui ont une forme physique à 50 ans tantôt non plus. Là. Mais le sport, on en reparlera parce que la façon dont le monde pratique le sport, je pense qu'ils sont mieux de se reposer. Asti que c'est idiot. On fait du sport, on se scrape au passage. Je ne sais pas combien de gens je vois massacrer par le sport ici dans mon studio depuis 20 ans, là. Ah, je vais jogger, ça va me faire du bien. J'ai mal au dos, j'ai une tendinite, puis j'ai Et les joues. mal aux genoux. Oh, Christ. Elle a 32 ans, ça a mal partout. Puis là, tu dis, il faut que tu arrêtes de jogger, t'es pas faite pour ça. Oh ben là, elle veut que tu absolument jogger. Fait qu'elle va jogger, qu'est-ce que je te dis? Vas-y, te scraper. Les gens, la façon dont je regarde comment les gens s'entraînent, c'est tellement compulsif, c'est même pas intelligent. C'est de la drogue. Hein? Vas-y. C'est pour des raisons. C'est de la drogue. C'est une drogue, c'est ça? C'est comme quelqu'un qui court à un moment donné, il dit, oh, là, j'entre dans la zone, puis tout loin, mais c'est le centre de récompense du cerveau, puis ça finit que. Mais ça Il mène à s'en la rend pas sécrétion compte. d'endorphine. Moi, j'en fais du jogging, puis j'aime ça parce que ça crée un état d'être agréable. T'sais. Puis c'est Ouais. la chimie naturelle du cerveau. T'sais. Je prends pas des opiacés. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, parce jusqu'à un certain point, c'est vrai que ça peut faire une usure, là, si tu fais tout. C'est ça que je veux dire, David. C'est qu'il y a des. Certes, la plupart des sports, de la façon dont les gens le pratiquent, premièrement, sont souvent très mal éduqués. Ben, juste à voir comment les gens joguent. Il y a une technique pour jogger, puis ça prend des chaussures, là, pas de Walmart, des crises de bonnes chaussures. Faut que tu saches ce que tu fais. Puis comment, tu sais, j'enseignais l'autre fois à une personne qui jogue, puis là, je constate qu'elle n'a absolument aucun abdominaux. Elle ne sait même pas c'est quoi un plancher pelvien. Là. C'est Tu pas jogues. normal. Non, mais ils n'ont jamais montré qu'il fallait qu'elle ressortienne le plancher pelvien en joguant. C'est parce que quand tu jogues, faut que le tonus parte du plancher pelvien et les abdos bien engagés pour pas que l'impact soit trop dans tes articulations. Mais là, tu peux pas rien jogger Ça finit plus tard des madames, faut pas trop les faire rire, ils ont des fuites urinaires. comme. Ça, t'as rien que besoin de d'un accouchement ou deux, puis c'est la même affaire. Je veux dire, ça se renforce, ça se refait. Oui, ça s'appelle les exercices de Kegel, le plancher pelvien. Ouais, c'est pas dur de les casser un petit peu. Pipi. Bon, hey, David, on délire, là, mais on va te laisser. On est parti sur Non, ça. mais c'est bien correct. Ça a donné une touche humoristique à l'enregistrement. On va finir sur une note un peu plus joyeuse que tantôt, là. Entraînez-vous, mais intelligemment. Autrement dit, écoutez votre corps. Il parle. Même si c'est rien que mécanique, là, il y a quand même des petits. Il nous parle quand même un petit peu. T'sais. Il y a un langage à lui, là, mais. Faut apprendre à comprendre, sinon on fait des conneries, le sport devient une nuisance. Pas normal à 35-40 ans de faire à moins d'être de l'arthrose, de l'arthrite, puis des blessures de tendinite, de ligaments croisés, c'est débile là, ce qui se passe. Non, non, ben c'est ça. Ben souvent, ce qui arrive, c'est que si les gens, par exemple, des athlètes, ils vont se surentraîner par rapport à certains sports, qui va faire qu'ils vont amener une usure prématurée des articulations mobilisées dans lesquelles ils sont surspécialisés. Ils sont moins maganés que toi et qui s'entraînent avec tes chaussures parce qu'ils sont suivis par des thérapeutes et ici, ils sont corrigés. T'sais. Quand on parle de performance, de haute performance sportive, ils sont entourés, ils sont moins maganés que les gens qui s'entraînent. Parce que là, je parle de l'espèce de maladie d'entraînement que je vois partout. Là. Tout le monde veut lever des poids, puis faire des C'est délirant, c'est un délire. Et puis il y en a même là, l'autre fois, j'étais dans une salle, mon fils qui est kinésiologue, il entraîne du monde, je m'en vais le voir, puis il y en a des idiots qui se filment maintenant en train de se faire des muscles. Puis là, le monde chiale autour parce qu'ils ne veulent pas être dans son maudit vidéo. En tout cas, c'est pas tes. Non, mais je comprends, il y a une dimension narcissique par rapport à ça. Complètement. Moi, je m'entraîne plus en salle aujourd'hui, mais dans les derniers temps que j'y allais, je pense entre autres, il y avait une fille qui se filmait en train de faire ses mouvements pour mettre ça sur Internet. Fait que, tu sais, on voyait qu'il y a une dimension de vouloir être reconnu par autrui à travers sa force musculaire, l'exhibition des muscles. Donc, une dimension narcissique derrière ça. Ben là, Alors. c'est parce que t'es dans un lieu qui appartient à quelqu'un, je veux dire, t'as besoin d'une permission pour filmer, je veux dire, en tout cas, les muscles sont pas dans la tête. Non. Tu peux être poursuivi, là. Voyons donc, juste pour filmer. Il y en a, ils se filment avec leur téléphone à l'épicerie, tu peux être poursuivi. Dans des lieux publics, tu as le droit de prendre n'importe qui en vidéo sur des lieux publics. Ouais, mais je parle de la personne, mettons, une chaîne que le lieu leur appartient, puis tout, ils ont le droit de dire, ben moi, je te donne pas la permission d'avoir filmé là. On a le Fait droit de. que, ben oui, le lieu, il va être plus protégé au niveau des lois que les monsieur, madame, tout le monde qui circulent. En tout cas, j'allais vous conter une petite anecdote. J'ai créé un choc sans le vouloir à une femme qui s'entraînait parce que maintenant, ben c'est ça, elle se prenait en photo et tout ça. Puis, je sais pas trop, quelqu'un lui dit, hey, t'es donc bien belle. Puis moi, je pars à rire, je dis, hey, ça, c'est une qualité dans la vie. Ben, ça faut au moins ça. Il m'a dit, ben là, quoi? Ben, j'ai dit, madame, d'être beau dans la vie, c'est un état, c'est pas une qualité, c'est pas une qualité de votre être, ça, là. Ah, oh, je suis belle, c'est une qualité. Hein? Merci, Kadhi. Hein? C'est quoi cette affaire? Il est où le mérite? Oui, c'est ça. Mon fils de mané, il faisait un trip de même, puis là, je lui dis, hey, pas parce que t'es beau que t'es intelligent, là, ça n'a rien à voir, man. T'es venu au monde beau, là, tant mieux pour toi. C'est un plan de vie, c'est un karma d'être beau laid dans la vie. C'est pas une qualité de ton être. Ben, l'être humain, il est de même, dans le sens que on va être porté plus gentil avec des gens beaux. Non, c'est incroyable, ça. C'est vraiment, stupide, là. Mais bon. Pour ça, moi, j'aime bien gros les acteurs et les actrices de composition qui ont des physiques bizarres. Oui, c'est vrai. Mais on est Moi aussi. programmé pour aimer ce que j'avais entendu dire, les gens qui ont des visages symétriques, parce que y a une uniformisation derrière ça, c'est comme harmonieux. Ben, ça fait partie de notre animalité. T'sais, là, on est rendu à ce point-là, si on reste à ce niveau-là, on est comme des chiens qui se sentent le cul, là. Je suis d'accord. Ben, ça revient à ça. Oui, c'est bien, mais c'est drôle. J'aurais pas pensé de dire ça de même, mais oui, Ben là, c'est parce que là, on regarde, ah, lui, c'est un bon gars, il a une bonne génétique. Pis... Tandis que la vraie valeur, elle va aller de ta conscience qui va aller jusqu'à faire mentir ta génétique. Là, il y a de quoi d'autre, là. qui sort, moi. Oui, ben si on Mais. parle de l'épigénétique qui entre en ligne de compte avec l'activité de la conscience qui amène à moduler l'expression des gènes. En tout cas. Hey, les amis, je vous aime bien, mais là, il faut que j'y aille Ouais, moi parce que. Oui, parfait. Donc, on va arrêter l'enregistrement dans les prochaines secondes. Avant de se quitter, est-ce que vous aviez des annonces à faire? non. Non, moi non plus. OK. Sinon, de mon côté, brièvement, je peux mentionner aux gens que si vous aimez mes enregistrements, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir des contributions financières via les services de paiement sécurisés et PayPal. Et puis, je voulais quand même rappeler aux gens que, bon, c'est sûr que Mona peut être rencontrée en consultation, vous allez avoir les coordonnées par rapport à ça. Berthold ne fait pas de consultation présentement, mais vous pouvez interagir avec lui dans le cadre de ses enregistrements en direct qui ont lieu le samedi matin aux heures du Québec, dont vous allez avoir également les coordonnées. Donc, merci de votre écoute et au plaisir de se revoir éventuellement là, pour un autre enregistrement à trois, peut-être dans quelques mois. Merci beaucoup Berthold et David de votre Ben invitation. oui, Ce fut merci à merveilleux. vous deux. Donc, c'est un plaisir Merci. partagé et Bonne à bientôt. continuité. Oui, bye. Bye.